Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr et Girondins33.com. On est ensemble comme tous les vendredis 20h30, 22h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux ce soir. L'émission elle va être chargée, on a trois matchs à briefer, débriefer. On a un invité en studio qui va pas tarder à arriver. On a une demi-finale de Euro de volley en direct. On a pas de match de Ligue 1, mais un peu de Ligue 2. Les féminines demain. On a, voilà. Les féminines dimanche plutôt. Les féminines, il y a deux Bordeaux PSG pour le prix d'un ce week-end. C'est, alors bon, ils seront pas les deux, les deux seront pas à Bordeaux, mais c'est pas grave. Je pense que le deuxième sera diffusé largement sur Canal. PSG Bordeaux chez les filles. On a largement de quoi parler ce soir. Alors, que je vous explique dans un premier temps comment ça va se passer. Dans quelques instants, nous aurons notre invité en studio qui va arriver. Vous le connaissez, on l'a déjà eu, il est déjà venu une fois, c'était l'année dernière je crois. Avec, non, c'était il y a deux ans. Il y a deux ans avec... Non, on l'a vu il y a 8 ans. 7 ans. Il y avait qui avec lui? André Penalva. André Penalva, voilà, l'année dernière, c'est Marcelo Vada, le papa de Valentin Vada. Valentin Vada est ex-formateur au FCGB qui sera notre invité. Avec lui, évidemment, on va revenir sur l'actualité brûlante, c'est-à-dire le nul face à Brest, la victoire à Amiens, le match de demain face au PSG. Évidemment, on va lui parler de son actualité, qu'est-ce qu'il va faire en ce moment. Un petit mot aussi sur le fiston quand même, parce que voilà, c'est... Et ce qui nous permettra, enfin me permettra, moi j'aimerais beaucoup qu'on parle du partenariat avec le Proyecto Cresser. Je commence à trouver le temps long, personnellement. Je sais pas, Thomas, tiens, ça te dit pas toi de... On t'appelle Thomas... Comment c'est? Y a pas un nom argentin? Thomas Zignogué... Et Guillaume. Et Guillaume, on fait croire que t'es argentin. On dit tiens, tu viens Thomas d'Argentine. Suarez. Voilà. On fait croire que t'as grandi dans une favela de Buenos Aires. On te fait une balafre au couteau par contre là, pour que tu sois crédible un peu quand même. Oui, voilà, exactement. Et puis comme tout jeune Argentin, évidemment, tu feras un peu de prison, hein, parce qu'il faut quand même pas déconner. Un petit peu alors. Un petit peu. Bien, donc avec moi ce soir, l'équipe est complète, si je dis pas de bêtises, quasiment. Oui, non, c'est ça. On va commencer de gauche à droite. J'avais trouvé un bon truc sur toi pour t'introduire, si, enfin pour te présenter, mais je me rappelle plus. Ça va, je suis trop vieux pour qu'on m'introduise quelque chose. <J'étais là. rire> Bon, comment ça va? Ouais, ça va bien. T'as kiffé un peu cette semaine, victoire à Amiens, petit nul contre Brest, t'étais pas mal. Écoute, voilà. Bon, à part le bon nul contre Brest, où finalement, à part la deuxième mi-temps, voilà. Cette semaine, ils m'ont fait kiffer un peu. Donc ah, bah voilà. Ouais, on a récupéré les deux points perdus, points perdus face à Brest. Et donc, puis, c'est ce qu'on avait dit, hein, il y a deux semaines. 7 points minimum serait le top et voilà. Pour les 3 matchs. Demandez-nous, on vous donne à l'avance. C'était en dessous de ce que voulait Souza. Alors, c'était un petit peu en dessous de l'objectif, oui, mais bon, c'est quand même plutôt pas mal. Monsieur Enzo fait sa rentrée radiophonique. Après ses 8 mois de vacances. Non, je conne. Comment ça va, mon petit? Ça va, très bien. Ça fait plaisir. Ouais, bah, moi aussi, ça va. Bon, on fait genre, on se retrouve. Non, on s'est déjà vu au stade. Non, c'est la semaine dernière. C'est pas grave, frère. Faut vendre du rêve aux gens. Eh oui, mais oui. Vendons du rêve. On se voit qu'à la radio, de toute façon. Ça va, le début de saison, il te plaît, t'es content? C'est pas mal, c'est mal parti, mais on voit au fur et à mesure que l'équipe, quand même, elle se lance bien. Et quand on voit les équipes autour. C'est surtout ça en fait, faut pas regarder, on sent le niveau forcément de la... Fais le bilan, c'est ça, le bilan est pas si mauvais que ça. Il est pas dégueu. Et par contre tu fais ce bilan sur une saison il y a 5-6 ans quand ça tournait vraiment, là c'était pas forcément bon. Mais là tu regardes le bilan avec les équipes qui sont en ce moment en Ligue 1, bah, c'est pas mal. On va évidemment y revenir dans quelques instants. Ah oui, hashtag Twitter, Twitter. DirectGA. Merci. Bonjour. Twitter, hashtag DirectGA. Si vous voulez poser des questions à Marcelo Vada, exactement. Pas. Et puis je vous parlerai du téléphone dans quelques instants. Lucas, mon petit, comment ça va? Ça va et toi, Seb? Ça va, tranquille. C'est vendredi. Demain, c'est Bordeaux PSG. On a gagné mercredi. Donc la semaine, a priori, elle est pas mal. Si elle pouvait finir encore mieux qu'elle a commencé, ouais, ça serait quand même pas dégueu. Et donc toi, la rentrée, c'est pas encore. Toi, c'est novembre. Mais si. Ah si, non, c'est Adrien. Non, toi c'est août. Ouais, lui il a pu rentrer, c'est fini. Ils ont dit c'est terminé, monsieur, 4 fois, après on arrête. Thomas, comment ça va, mon petit? La forme, toujours. Bon, toi ça y est, t'as pris ton petit sac à dos, ta trousse, ton crayon. Toujours, et ça tu y vas y aller passer ton bac. Ça y est, ouais, le bac à la fin de l'année. Et puis. Ah bah écoute, il faut que. Faut non, passer t'as par le bac là. Français à la fin de l'année. T'es bon en non. français toi? Terminal, là c'est. Ah non, terminal. Oh putain, je suis perdu. Mais moi j'ai tout passé d'un coup, j'ai pas fait genre d'abord le français après tout. Oui, mais en filière pro. C'était pendant ta génération. C'était en bac pro. Là tu fais tout d'un coup. Donc t'as eu ton bac de français et là faut. Ouais. C'est quoi les matières où faut que tu t'améliores un peu? T'as vu comment je parle bien? Ah bah moi j'ai tout la philo en L. Mais c'est là où t'es bon ou c'est là où t'es moins bon? Désolé. Bah c'est alors, le plus important, c'est quoi FUT quand même. Ce que je veux dire, c'est pas bien parce qu'il y a ton papa qui est là. La philo, Thomas, ça sert à rien, on s'en fout. Je sais. Regarde-moi. Mais c'est comme les maths. Non mais Enzo, est-ce que t'as fait de la philo pour faire community management, je sais pas quoi là. Bah je l'ai fait forcément parce que c'était obligé dans le cursus. Mais après, de toute façon, philo, en fait, ça dépend du prof que t'as quoi. Après, faut que t'aies une c'est le prof que t'as en fait qui va faire la différence et qui va si t'aimes ou si t'aimes pas et s'il aime les choses que tu penses. Mais si t'as besoin d'un coup de main, je suis sûr qu'Adrien a un très grand esprit philosophique. Ah bah t'es parti. Thomas, de toute façon, l'important c'est les trois points. Exactement. Et ça, je suis sûr, ça c'est en philo, mon gars. Le mec, tu lui, je sais pas, peu importe sujet, l'important c'est les trois points. Tu lui fais une conclusion comme ça, c'est nickel. Soit tu tombes sur un visionnaire et il te met 20, soit tu tombes sur un gars, il a pas d'humour, et là, bon. Et là, c'est. Mais c'est pas grave, t'auras le rattrapage. Faudra que tu bosses un peu l'été, c'est rien. Adrien, comment ça, mon petit? Ça va. T'étais bon en philo, toi? J'ai eu 7 au bac, je crois. Ah, bah sur 10, c'est bien. Non, mais en vrai, on a eu des problèmes philosophie, on a dû changer de professeur en cours d'année, etc. Ah, enfin, c'était compliqué. Adrien, il a sa propre philosophie, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est un peu cool, parce que la philosophie. Comme Amel Bent. Bref, c'est un autre type de philo. Il avait cité Athènes Ben Arfa, ça se trouve, dans sa copie de philo. Ah ouais, visionnaire. Bon, y a sûrement des gonzes qui ont dû le tenter, genre Ribéry, Jourdraine, Larouto, Tournera, ce genre de choses. Moi, je sais même plus sur quoi ça, c'était le sujet de à la Clairefontaine. Alors, je m'aperçois juste d'un truc, c'est qu'il y a notre invité qui arrive, il faut juste mettre une chaise en fait. Voilà, juste ça. Et non, on lui fait travailler, squat. Ouais, c'est clair. Squat, abdos, fessiers. 05 56 35 31 31 si vous voulez réagir en direct à l'émission. Alors, ce qu'on va faire, les enfants, on va faire étape par étape. Donc, si vous voulez réagir sur Brest, appelez plus tôt en début d'émission. Je vous cache pas qu'on y reviendra pas une fois qu'on sera passé dessus parce qu'on a pas mal de trucs ce soir. Essayez, s'il vous plaît, de respecter un petit peu le timing de l'émission. Sinon ça va être compliqué, on s'en sortira pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les directs, ça a dû démarrer au volet depuis 9 minutes. J'ai pas le... Bah, j'avais marqué 20h30, j'avais marqué sur le live de l'équipe. Donc voilà, comme j'ai tout qui plante, je sais pas en fait. T'as raison, il est marqué dès 20h30, autant pour moi. Exactement, 21h. La Ligue 2, pas de match de Ligue 1. Le premier, c'est quoi demain? C'est nous le premier match de la journée demain, 17h30? Non, t'en as à 13h30 aussi. Il y a à 13h30 demain, il y a un ouais, match? Ouais, un horaire pour le pays asiatique. C'est Lyon-Nantes. Super, ils vont être contents les Chinois de voir Lyon-Nantes. Ça va être super. C'est quand même un beau match en vrai pour commencer. Alors, c'est un beau match, mais quel est l'intérêt de mettre Lyon-Nantes en Chine? Non, mais c'est juste. Tu mets Paris-Bordeaux, oui, ça se comprend. Oui, mais Lyon-Nantes, parce que c'est voilà, l'horaire qui va, tout qui va, enfin c'est... Lyon, non, mais... je vois mal le PSG jouer qu'à 13h30. Quoi. Non, mais 13h30, pourquoi c'est parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de match vendredi, donc... Parce qu'il y a une journée mercredi, donc... Il y a eu la journée mercredi, c'était un peu compliqué. Allez, les enfants, on va commencer cette émission. Notre invité vient d'arriver en studio, on l'installe tranquillement. Bonsoir, monsieur Marcelo Vada. Le micro noir qui est... Voilà, celui-là, là, parfait. Okay. Merci beaucoup d'avoir... Alors, n'hésitez pas, bien près du micro, sinon on n'entend pas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait plaisir. Vous étiez venu l'année dernière, on disait, ou il y a deux ans avec monsieur Penalva. Non, c'est un plaisir. Et on s'est dit, tiens, c'est notre ami, futur journaliste. Okay. Toi, gamin, toi, le jour où tu deviens journaliste, oublie pas d'où tu viens. Pas de problème. Ah ouais, non, carrément, mon gars. Le jour où tu deviens journaliste, c'est Zizou et compagnie. C'est le journaliste qui critique les coachs. Ah ouais, par contre, ouais, il va devenir. Ouais, ils sont nuls et tout, ils sont pas bons. Bon, donc Marcelo, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. On va passer une petite heure et demie ensemble jusqu'à 22h. On va débriefer un petit peu tout, évidemment, l'actualité des Girondins. C'est les matchs. On va parler de Brest, on va revenir sur Amiens. Le match de demain, évidemment. Le gros match de début de saison face au Paris Saint-Germain. On viendra vous sur aussi, qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce que, sauf si j'ai plus de vis, vous n'êtes plus au sein, vous n'êtes plus au Girondins, on est d'accord? Oui, oui, oui, j'ai démissionné il y a deux semaines. C'est moi qui ai pris la décision, ce n'est pas le club. Le club, il a été très gentil avec moi, les nouveaux dirigeants, Eduardo Masia, tout ça, me sont proposés de continuer. Mais c'est une décision personnelle, une décision de vie que je dois prendre. J'ai priorisé ma famille en Argentine, mon fils il est parti à Espagne. Déjà, ce n'est pas mon idée de partir d'Espagne. Et mon père il est malade, il y a beaucoup de choses en l'intimité familiale. Je crois que j'ai fait les sacrifices, j'ai fait tout ce que je dois faire pour 10 ans. Et l'objectif est arrivé, mon fils il est arrivé à être joueur professionnel. Maintenant, malheureusement, il ne peut pas jouer en son club de cuore. Il doit partir. Ok, je crois que mon métier c'est fini ici. J'ai possibilité de travailler en Argentine, j'ai possibilité d'être à côté de mon père pour remercier un petit peu tout ce qu'il fait pour moi, non, quand j'ai le besoin. Maintenant, c'est lui qui me besoin. Si vous voulez faire le bilan rapidement de ces années passées à Bordeaux, Girondins. Pour moi, c'est un réveil. C'est un grand club, un club professionnel. Seulement, je dois remercier à tout le monde, remercier à M. Triot, qui m'a donné l'opportunité de venir ici avec ma famille, M. Alain de Bessler, tous mes collègues, M. Peñalba, M. Dugo, M. Luca, Patrick Battiston, bien sûr, non? Patrick Battiston, c'était pour moi, lui et Mario Tresor, Yannis Stopira, c'était réalmente des amis, des mecs qui me sont soutenir, c'est le mot soutenir, quand il y a des problèmes, quand il y a des trucs que je ne comprends pas, pour m'aider. Sincèrement, je pars d'ici avec beaucoup d'expérience, j'ai pris beaucoup de choses, non seulement à niveau professionnel, à niveau humain aussi. Malheureusement, je ne peux pas regarder, seulement profiter de mon réveil, de voir à mon fils avec le maillot de Bordeaux pour 6 mois. Après, c'était tourné trop difficile, trop dur pour lui. Et, ok, maintenant, on doit chercher autre horizon. Non? C'est pour ça que je crois que mon métier ici, c'est fini. Mais je remercie tout le monde, même à la nouvelle dirigeance. Sont mis en place un nouveau projet que pour moi c'est un super projet à niveau formation. Et je crois qu'ils ont trouvé la bonne route aussi. Je ne dis pas avant que nous on travaille mal, simplement que sont différents projets, différentes façons de méthodes aussi, de méthodes. Et tous les méthodes sont bons. Comme me dit mon ami Marcelo Bielsa, me dit toujours, Marcelo. De toute façon, l'unico qui a la vérité, c'est il qui gagne. je crois que je dois remercier à Girondins de Bordeaux, à toute la famille de Girondins de Bordeaux, à même la cuisinière, même les fans des châteaux, même le comptable, tout le monde. Surtout le comptable. Oui, tout le monde m'a aidé. Tout le monde m'a aidé, à ma famille m'a aidé. Non, je ne crois pas que je parte avec beaucoup d'argent, mon ami. Malheureusement. Mais sincèrement, les Girondins, c'était pour moi un club que je vais amener jusqu'à que je mort, non, en le cœur. Et mon fils aussi, non? Mon fils est un support, c'est un support au club. Moi, j'ai une question. Alors, Marcelo, on se connaît depuis... Des années. C'était comme ça, sûr. On a vu le premier. Le premier que j'ai vu, c'est mon ami. Et ça vous a fait quoi, le premier que vous voyez à Bordeaux, c'est oui, Cyril, oui. Ça vous a fait quoi? Ça fait bizarre. Oui, oui, oui, je pensais venir, trouver une belle fan qui me reçoit. Non, c'est monsieur. Mais ouais, moi j'ai souvenir de Valentin qui avait. Et puis c'est cette histoire de 2 ans de perdu. Est-ce que, malheureusement, avec le recul, est-ce que ces 2 années-là, c'est pas quelque chose qui a pénalisé Valentin finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce recul-là, il aurait pas mieux valu qu'il reste en Argentine? C'est une question comme ça. Est-ce que c'était non, pas. Je ne regrette pas. De toute façon, c'est une façon d'être de ma vie. Quand j'ai pris une décision, je viens, Valentin, il a décidé, attendre 2 ans pour jouer en son club de cuore. Il se supporte, il aime le club. Et je crois qu'à début, oui, il a fait mal. Les deux ans qu'il n'a pas joué, il a fait mal. Mais après, je crois qu'il a, il a, retour, il a, comment dit-on, il a pris son niveau. Il a fait pour moi 6 mois magnifiques ici. J'ai pensé que l'année après sera le top, parce qu'en 6 mois, il a marqué 6 buts, 8 passes décisives. Comment? Et l'année après, on a classifié pour l'Europa. Ils sont arrivés 8 joueurs. Mm. Et mon fils, il a commencé à jouer les raguères. Il a... C'est normal, c'est le football, non? C'est la... Le coach a décidé, en ce moment, c'est Govené, que quand il était ici, il a donné la chance. Et après, il n'a pas donné la confiance. Après, quand il est venu, monsieur, comment s'appelle, l'Uruguayen, aussi, il a continué à jouer. Les joueurs de, qu'ici en France, j'ai dit que le football, c'est pas peut-être joli, mais c'est très rigoureux, très physique, très dur de jouer. J'ai toujours le dit à mon fils, si tu te peux imposer ici, tu peux jouer en tous les clubs du monde. Parce que le football français, c'est très, oui, très dur de jouer. Ici, avec respect, je dis, hein, je respecte à tous les joueurs, mais ici, la première chose que je vois, c'est la taille, la vitesse, costaud, et après la technique. La, je crois que c'est bien le problème du... Enfin, comme moi, je Les Raguers, c'est un monsieur qui court, comme autre mec. Et Valentin, c'est pas la même caractéristique. Valentin, c'est un joueur de ballon qui peut, qui peut jouer une combinaison. Qui fait, il court beaucoup, hein. Il a un volume de 13 km par match. C'est toqué. C'est beaucoup. Mais c'est les joies du coach, mon ami. Moi ce que je me souviens, c'est que Valentin, il arrivait dans une position où il était 9,5, très très élevé, oui, devant le but, il marquait beaucoup. Et plus ça va, plus on lui demandait de reculer. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a accepté? Il a accepté parce que je crois que, comme je te dis, je répète encore, il a fait 6 mois pour moi, un super 6 mois. J'ai pensé, nous, quand on a fini cette année, qu'on a classifié pour l'Europa League, on a reçu une proposition de Torino, d'Italie, et mon fils, il l'a refusé. Avait le double d'argent, avait le double de possibilités de grandir, mais mon fils, il l'a refusé parce que c'est supporter de Bordeaux, parce que, comme avec moi, ensemble, on a dit, si c'était 6 mois, tu as fait 6 buts, 8 passes décisives. Oui, sur une saison. Et l'année de la session prochaine, tu vas exploser. Et c'est le football, mon ami. C'est le football, on doit accepter, c'est le football. Hein. De temps en temps, les mecs que tu crois que va arriver n'arrivent pas. Et les mecs que tu crois que va exploser, ça commence à tomber pour décision de coach, peut-être pour problème aussi personnel, qu'il n'est pas été bien ou pas été sérieux, peut-être en entraînement, je ne sais pas. Mais il y a des choses que, en football que, même s'ils sont incompréhensibles, tu dois accepter. C'est comme ça. Moi j'ai une question sur ça. Deux secondes, 05 56 35 31. Si vous avez une question à poser à Marcelo Vada. Moi j'ai une question, c'est par rapport à Valentin aussi. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y a eu la disparition des numéro 10? On voit dans le football moderne, il y a de moins en moins de numéro 10. Valentin, pour moi, c'est un 10 pur. Pour moi, je le vois vraiment là à distribuer les ballons. C'est un joueur de classe. J'adore vraiment son style de jeu. Comment il joue, dans la passe, il est bon. Et de moins en moins, on voit des numéros 10. Maintenant, c'est plus des ailiers, c'est des mecs rapides. Au milieu, il faut avoir un volume énorme de jeu. Il faut courir partout, il faut être grand physique. Alors que... Je crois que ça, c'est vérité. Il a un physique, voilà. Mais volume de jeu, Valentin, je te dis, il a joué l'autre jour, il a joué derrière l'attaquant en Almeria, il a couru 12 km 200. Ouais. C'est le joueur qui plus il a couru. Physiquement, il n'est pas Aurélien Tchouaméni. Physiquement, il n'est pas l'Iraguer. Physiquement, c'est autre c'est pas type le même de format, joueur. Et maintenant, on voit en Ligue 1, c'est nécessaire. Il faut avoir le physique, il faut avoir tout ça. Est-ce que Valentin, ce n'est pas la meilleure solution d'être parti en Espagne? Pour moi, l'Espagne, c'est vraiment le championnat qui le caractérise vraiment. J'espère. Avec son jeu, je pense que vraiment, il peut vraiment s'épanouir en Espagne, avec le jeu qu'il j'espère. A là-bas. J'espère que là-bas, c'est pas imposé. Le coach lui aime beaucoup. Et déjà, il a débuté 2 matchs. J'espère que là-bas, il peut trouver son niveau, qui encore, il manque encore pour son niveau. J'espère, pour lui. Mais aussi, nous, comme famille, et lui, comme joueur, nous, notre réveil, c'est en ce moment, c'est pouvoir voir que lui réussit en son club de cœur, que c'est les Girondins. Comme nous, ma famille, nous, aujourd'hui, on est support. On aime beaucoup les clubs. Et pour un père, voir son fils réussir. Par réussir là où il veut. Tu t'imagines. Mais nous, c'est pareil. Il est jeune, il peut revenir. Hein. Oui, mais après, c'est comme. Je vois, vous parlez en tant que père, en tant que famille, en tant que soutien. Mais nous aussi, les supporters bordelais, pour nous, Valentin, on parle pas forcément du niveau, on va pas dire que ça a été le plus grand joueur qu'on a connu, etc. Non, mais pour nous, c'est un joueur du cru, c'est vraiment le joueur qu'on aurait aimé qu'il perce, mais vraiment, on aurait adoré le voir en équipe première. C'était vraiment, enfin, je pense que tout supporter bordelais, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, Valentin, c'est l'enfant du club, c'est quelqu'un qu'on a envie de voir avec toutes les histoires qu'il y a eu, etc. Cette saison, c'était vraiment pas possible du tout avec Paulo Sousa. Non, pas possible du tout. Lui, même Mancini. Mais c'est pas les uniques joueurs. Par exemple, pour moi, Gaëtan Laborde, c'est un mec qui s'est formé au club. Ouais. C'est un mec que pour moi, c'est un attaquant. Je ne dis pas que c'est Balotelli, attention, avec respect. Non, mais il va mettre. Je dis que c'est un mec formé aussi, qui a mis les maillots. Je ne suis pas d'accord de la façon qu'il est parti. Pour moi, c'est un joueur qu'aujourd'hui, il peut faire bien aujourd'hui, même aujourd'hui. Ouais, ouais. On le voit avec Montpellier. Il y a un proverbe en mon pays qui dit « Personne se profite en sa terre. » Son pays. Et je crois que nous, de temps en temps, on valorise beaucoup les autres et pas les mecs qui sont formés. Regardez Paul Bayes, mon avis, Paul Bayes, enfant du club qui actuellement est. Je sais même pas ce qu'il, est-ce qu'il s'entraîne encore avec les pros, je sais pas. Oui, il a été obligé. Mais Paul Bayes, il a fait sa carrière. Mais il a fait sa carrière à Nice, à Saint-Etienne, à Nice. Il a fait. Exactement. En parlant de Saint-Etienne, Valentin, Saint-Etienne. Il a fait une bonne saison. Il a fait un bon prêt là-bas. Oui, il a fait des bonnes choses et des mauvaises choses, comme tous les joueurs. Je te dis, pour moi, Valentin, c'est un joueur correct, pas plus. Mais c'est un joueur qui s'est formé ici, qui a son club, qui peut-être il a mérité son chance en ce moment. Et après, il n'est pas joué. C'est une décision de coach qu'on doit accepter. Comme je suis coach, de temps en temps, je prends des décisions. Il y a les parents, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Et c'est une décision que j'ai prise comme coach. Peut-être que j'aime plus un joueur que l'autre. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il n'est pas arrivé au mauvais moment? Enfin, il est arrivé dans une phase où le club et l'équipe première étaient en difficulté. Et où on est parti sur des bases un peu plus solides et on cherchait plus des milieux récupérateurs, etc. Lui, on l'a fait évoluer en tant que 8. Alors... il a réussi une bonne saison quand même au Girondins à un moment, mais c'est pas son poste de prédilection. Et en plus, en Ligue 1, souvent, quand on voit des 10 s'imposer, c'est des grands gabarits. Le dernier qu'on ait eu à Bordeaux, Gourcuff, il fait 1m80, 88. Je te réponds avec, j'aime les statistiques. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, parce que vous êtes fanatique au club. J'ai un numéro 8 qui a joué à Lier, comme récupérateur. Qu'il a marqué en 6 mois 6 buts et 8 passes décisives. Après de Valentin, Gerge, commence à chercher pour derrière combien de numéros 8 ils sont marqués. 6 buts et 8 passes décisives en 6 mois. Pour moi, il a fait 6 mois excellent, mon ami. Après, on a classifié pour l'Europa League et on a décidé de venir des joueurs plus costauds, comme tu dis, plus agressifs en la mitad du terrain. Mais pour moi, il a fait 6 mois magnifiques et je parle comme coach, pas comme son père. Mais c'est vrai. Si lui, il a la chance de jouer un an consécutif avec la confiance qu'il a joué 6 mois, je suis sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de Valentin Partier. Mais malheureusement, ils ont décidé que non et on doit accepter. On doit accepter. C'est comme ça. Avant de continuer, on va accueillir Marc au téléphone. Salut Marco. Bonsoir monsieur. Comment ? Oula, t'es en voiture toi. Comment ça va ? Bien, ça va, tranquillement. Sur la route de la maison, tu vois. Oh la vache, mais il est 9h, garçon, tu veux... ouais. Allez, va bosser, va. Bon, Marc, t'as une question pour Marcelo ? Oui, alors déjà, bonsoir. En 10 ans d'émission, puisque, pareil, je faisais partie de Cyril, je crois que je vous ai jamais rencontré, donc ça me fait assez sourire, parce qu'on vous a eu plusieurs fois. J'avais deux questions. Déjà, une première remarque qui concerne ce qu'a vécu Valentin Vada après les 6 mois où Bordeaux a été quand même troisième sur la phase retour. Ça n'a pas été le seul qui a été mis de côté. C'est le cas pour Laborde où on avait acheté Mundy pour mettre Laborde de côté. Je trouve que sur cette époque-là, il y a eu un manque de gestion et la première question que j'ai à vous poser, est-ce que selon vous, on laisse pas trop le choix au coach et c'est pas assez le club qui dirige les mercato et la vision long terme? Est-ce que c'est le coach qui décide de tout ou pas, c'est le club? Je ne peux pas dire les choses à interne. Ça, je crois que c'est un coach, une décision de coach. Hein. Ce n'est pas un club, ce n'est pas les dirigeants qui doivent dire lui doit jouer ou pas jouer. C'est mon avis. Hein. Je crois que si je suis coach, c'est moi qui dirige. Hein. C'est une décision personnelle. Je crois que c'est... après, on doit accepter. Comme je dis, mon ami, je ne regrette pas. J'ai seulement le mot de remercier à tout le monde. Mon fils, je crois qu'il était éduqué, il était respectueux avec tous les coachs. Il y avait des coachs qui l'ont joué, il y avait des coachs qui ne l'ont pas joué. Il était respectueux avec les clubs, il aime les clubs, ma famille aime les clubs. Et je ne veux pas entrer en un conflit de ce qui est la culpabilité. Simplement, je dis que mon fils il a fait tout l'effort, même s'il a adapté à une position qui n'est pas la position qui est plus aime, pour rester au club. Il a fait tous les efforts. Et malheureusement, il n'est pas arrivé à convaincre à un coach qui peut jouer ici, qui peut s'imposer ici. C'est pour ça qu'on a décidé de voir autre rumbo, de partir Espagne, partir un club. Et, ok, le club aussi, il était très gentil avec lui pour donner la chance de partir. Non, c'est comme ça. Mais justement, Marcelo, vous parliez tout à l'heure des qualités de Valentin, qui est un joueur de ballon, qui est un joueur numéro 10, qui est technique. Quand je regarde comment dire, la manière dont jouent les Girondins de Bordeaux aujourd'hui, Paulo Sousa, c'est un entraîneur qui aime le ballon. Donc justement, qu'est-ce qu'il a manqué à Valentin en termes de qualité pour pouvoir s'imposer dans le système de Paulo Sousa aujourd'hui? Il doit demander à Paulo Sousa. Je crois qu'il y a des joueurs qu'il aime mieux, comme a dit, comme Vendrao, que c'est un petit qui vient d'ailleurs. Et il n'est pas donné sa chance, c'est comme ça, c'est simple. Il a regardé son staff et peut-être il a dit ok, je préfère cet joueur là mais c'est à Paulo Sousa que tu le as demandé, pas à moi. Thomas. Oui, moi j'ai une question. Donc Valentin, tout comme Mancini, vient du Proyecto Crecer. Oui. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce partenariat avec les Girondins? Alors, juste pour préciser, Thomas, pour compléter, pour les gens qui peut-être ne le savent pas, Bordeaux est donc en partenariat avec le Proyecto Crecer depuis 2004, ça fait 15 ans. En 15 ans, sont sortis de ce centre Rodrigo Castro, Emiliano Sala, Valentin Vada évidemment, Daniel Mancini, Pablo Francia et Francia, ça fait 5. Pour compléter la question de Thomas sur la vision du partenariat avec le Proyecto Crecer, moi il y a un truc qui me fait un petit peu entre guillemets je suis un petit peu réservé, c'est que si je regarde ces 5 noms là, Francia, il a dû faire, je sais même pas s'il a fait une saison complète à l'époque. Complète. C'est compliqué, Francia, il y a quelque chose. Ok, allez, admettons. Rodrigo Castro, si quelqu'un est capable de me dire où il joue actuellement, voilà. Mancini, il joue première division et chilien. Voilà. Mancini, il est parti première division. Mancini, il est parti à Salonique. Valentin, à Espagne. Valentin, c'est celui des 5 qui a joué le plus de matchs avec les Girondins, oui, qui a le plus réussi à aborder. Et Emiliano, le pauvre. Okay. Malheureusement, il a joué, je crois, 5 matchs en première saison. Et après, il explose avec Nantes. Donc, je me dis, 15 ans de partenariat avec le Proyecto et. Je trouve pas que ce soit. Enfin, je sais pas. Moi, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir quelqu'un? Alors, Valentin était peut-être ce joueur-là qui aurait dû normalement être le garçon qui reste. Comme Planus, comme des gars comme ça qui restent 5-10 ans. Je crois que les profils des joueurs d'Argentine ici, s'ils ne sont pas costauds, comme Benedetto, comme. Déjà qu'il y a une structure physique, c'est difficile de s'imposer. Notre football, c'est différent. Mais le projet, tu ne le connais pas. Pour exemple, au Bordeaux, nous, en Argentine, il y a 9 joueurs professionnels qui aussi sont partis de Bordeaux. Si demain, un joueur se vend à Europe, aussi sont des joueurs Bordeaux. Tous les joueurs qui sont dans le projet Crecer et qui arrivent à professionnel à Bordeaux, à Chile, à Mexique, à Europe, sont. Bordeaux, il a la partie de ce joueur-là. Je crois que le projet, il a commencé avec une bonne relation de Julio Dimeola, qui décidait maintenant, avec le président Jean-Louis Triot. Et l'idée, en base, c'était bien, parce qu'en ce moment, l'Argentine, c'est une mine de joueurs. Et l'idée de Triot, c'est, en ce moment, je crois qu'il a, il s'est un mec très intelligent, qu'il a adélanté les passes. Il a dit, peut-être nous investir un petit pot d'argent, et peut-être on peut demain sortir un super joueur, pourquoi pas, d'Argentine. À niveau économique, je connais les numéros, je te peux dire que c'est super. Parce que malheureusement, Miliano il a décédé. Mais aujourd'hui, Bordeaux, en 15 ans, il investit 1,5 million d'euros. Oui, on il a récupéré 25 ouais. millions d'euros oui, en 15 ans. Oui. Donnez-moi un négocio qui me donne 25 millions d'euros. Oui, c'est vrai que malheureusement, si Emiliano, malheureusement, il malheureusement, arrive, Emiliano, je ne sais pas ce qui va passer. Valentin peut-être peut exploser. Pour ouais. contre, je crois que économiquement, c'est intéressant. Ouais. Sportivement, ouais. malheureusement, je ne sais pas si le perfil des joueurs argentins ici à Bordeaux ne m'a pas. Mais je te vais dire une chose. Ça, je vais me placer un petit peu en un projet de ser. Bordeaux, en Argentine, en Sud-Amérique, personne ne le connaît. Les gars, oui, même si ici c'est un club reconnu. En Sud-Amérique, en ce moment, nous, on a décidé d'aller pour projet de crescer à Bordeaux. Mais sinon, c'est River Boca. Oui, voilà, River Boca. Bordeaux, à niveau, comme dit Tom, international. En ce moment, il n'est pas connu. Aujourd'hui, Bordeaux, il y a un nombre important en la République argentine. Pour tous les petits qui sont venus, malheureusement, pour tous ces capacités avec Emiliano Sala. Mais Bordeaux, à niveau marketing, à niveau connaissement, en ce moment, aujourd'hui, en Brésil, il est un club très reconnu. En ce moment, maintenant, mais en ce moment, personne ne le connaît. Tout le monde le connaît à Bordeaux pour le projet de crescer, en ce moment. Et après, comme je t'ai dit, c'est... Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence? Parce qu'on a été, ça a été les premiers à le faire, parce que des clubs européens investir en Amérique du Sud, à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Exactement. Aujourd'hui, il y a Manchester United qui est au Brésil, il y a beaucoup de clubs qui investissent, et qui mettent, pas forcément des centres de formation, mais qui mettent de l'argent dans les clubs, qui ont des partenariats avec Boca, qui ont des partenariats avec River. Est-ce que Bordeaux n'est pas trop petit maintenant pour ça? Est-ce que c'est quoi l'avenir du Proyecto Crescer? Ah non, je ne sais pas si le nouveau dirigeant va continuer avec le Proyecto Crescer ou pas. Ça, c'est une question que tu lui as demandé à le nouveau dirigeant. Je ne sais pas, peut-être la politique au club aujourd'hui, ce n'est pas faire un centre de formation argentin et recruter. Peut-être c'est avoir de l'argent, aller et recruter les joueurs que le club croit qu'ici, c'est pas imposé. Parce que c'est un partenariat à trois. Parce qu'il faut rappeler que c'est le Proyecto Crescer, mais c'est Newell Old Boy. Et Bordeaux, c'est le trio, puisque Daniel Mancini est passé par par le Newell Old Boy. Excusez-moi, je connais pas le je ne sais pas comment on dit en anglais. Newell Old Boy, New Soul Boys. Et donc du coup, mais par contre, à contrario, moi j'ai entendu parler d'un jeune au Proyecto Crescer, Kevin Mergen, oui. qui lui est pas allé dans ça et est parti directement à Boca Juniors. Oui. Oui, il y a beaucoup, non, comme Kevin Mergen, il y a beaucoup, mais pourquoi? Porque M. de Meola, avant de donner la chance qu'il parte à autre club argentin important, demande à Bordeaux. Bordeaux, comme on ne le veut pas, mais Kevin Mergen, si c'est vendu ou si passe à transfert, c'est Bordeaux qui touche sur le passe, non cette saison, Bordeaux a fait venir deux jeunes du Proyecto. Alors j'espère ne pas me. Aïssa et Gaï. Voilà, Valentin a. Aïssa et Valentina Ayasa et Maximiliano Gay, on dit Gay. Mais Gay, il n'est pas venu parce qu'il y a 15 ans encore, on ne peut pas venir. Voilà, il est un peu jeune. Et Ayasa, il est venu, il s'entraîne avec la UCES. C'est un. Comme je t'ai dit, après, je veux dire, sincèrement, je ne sais pas si je dois parler de ça, mais je suis honnête toujours, je veux dire ce que je pense. Je crois que pour continuer avec le projet de crescer, Bordeaux doit réellement être intéressé en faire, par exemple, de bonnes installations, d'un terrain synthétique, de bons coachs qui peuvent entraîner à jouer potentiellement de haut niveau de la même façon que s'entraîne ici. Parce que c'est ça le problème. Les joueurs d'Argentine s'entraînent totalement différents, mangent totalement différents, l'habitude c'est totalement différent. Et après, doit venir à France et compétir avec les joueurs de haut niveau. Et après, la différence, quand on est petit, il n'y a pas de différence. Peut-être le joueur argentin c'est mieux que le français. Mais à 16 ans, le français après c'est mieux et l'argenté. Parce que là-bas, on ne se travaille pas comme ici, parce que c'est une façon différente de travailler, parce que peut-être les coachs doivent avoir 4 travails avant d'aller entraîner, parce que là-bas, malheureusement, économiquement, dans notre pays, c'est catastrophe. Mm. Les coachs arrivent au projet, sortent les trucs. À moi, m'a passé, j'ai travaillé à l'école pour la matin, à l'école à l'après-midi, et après, j'ai arrivé à projet à 18h. Je me suis sorti tous les trucs et j'ai allé sur le terrain à travailler. C'est ça la réalité aujourd'hui des projets Crescer d'Argentine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Boca Juniors, ce n'est pas River Plate, ce n'est pas un Girondin de Bordeaux. Pour moi, on doit potentier le projet ou arrêter avec le projet. Il n'y a pas gris. Vous me comprenez? C'est soit noir, blanc, soit noir. Ou blanc. Mais c'est pas gris. Ou noir. Ou tu lui donnes la importance qu'il doit avoir, pour moi, il y a beaucoup d'importance. Pour moi, il y a beaucoup d'importance. Je ne... Déjà, après, c'est une décision au club, décision au coach. Mais pour moi, 5 joueurs professionnels, plus 9 là-bas, il y a 15 joueurs professionnels de Girondins de Bordeaux. Pas en Girondin, mais pour tout le monde. Que si il peut réussir ou s'il peut faire quelque chose, c'est Girondin qu'il y a le pourcentage, c'est des joueurs de Girondin qui sont prêtés. Vous me comprenez? Je ne crois pas que c'est petit peu. Peut-être on ne peut pas réussir à avoir un Messi, un Di Maria, un Dybala, mais des joueurs que je suis sûr qu'en Argentine peut jouer. Excuse-moi Cyril, Marc, parce que je crois qu'on doit libérer Marco. C'est ça Marco, t'es là? C'est ça, merci. Allô? Monsieur. Ouais. Oui, passez une bonne soirée. Bisous mon petit, bonne soirée, bon, à demain. Ciao, bisous. Moi, j'ai une question pour toi Marcelo, parce que justement toi tu as l'expérience du foot à la française. Oui. Tu retournes en Argentine. Oui. Est-ce que tu peux pas avoir un profil justement qui peut plaire aux clubs argentins professionnels pour la formation? Parce que, comme tu dis, aujourd'hui, la formation française, elle est compliquée. Mais si tu arrives à exploser en France, tu peux aller jouer en Angleterre, tu peux jouer en Allemagne, tu peux jouer en Italie. Je suis certain de ça, pour moi. Ça, c'est un point fort pour ta future carrière. Oui, je crois que oui. Et même, j'ai proposé, mais je ne sais pas, les dirigeants, qu'est-ce qu'on va faire avec le projet Crescer. Mais j'ai proposé là-bas, si je reviens en Argentine, et travailler, parce que maintenant que je connais le football français, comment se travaille ici, comment se fait des trucs, pour former des joueurs et qui peuvent être compatibles à Girondins de Bordeaux. Mais il faut de l'investissement. Mais parce que j'imagine que le travail que tu fais aujourd'hui en France physiquement, oui, ça nécessite des moyens qu'il n'y a pas forcément en Argentine. Exactement. Pour ces jeunes qui arrivent, on a parlé de jeunes qui sont arrivés, oui, cette saison, des joueurs, des garçons comme Valentin, comme Emiliano, dans une moindre mesure, Mancini, Francia, oui, et Garros, ce sont vraiment là-bas, en Argentine, des exemples à suivre pour les jeunes qui arrivent maintenant. On leur dit, voilà, regardez, avant vous, il y a eu des garçons qui sont passés par ici, qui sont partis en Europe, qui ont réussi, qui ont eu, voilà, qui jouent en France, qui jouent en Espagne, qui oui, devaient jouer, malheureusement pour Emiliano, en Angleterre. Oui. C'est Valentin et Emiliano, ce sont des exemples pour ces jeunes Argentins qui... Je ne sais pas s'ils sont des exemples. Ce sont des mecs qui sont travaillés. C'est des précurseurs un peu, c'est les premiers. Oui. Je crois qu'ici, on ne se les donne pas importance à les joueurs comme ça. Parce que peut-être ne sont pas réussis au club. Mais là-bas, en Argentine, il y a beaucoup d'importance. Ce que fait Emiliano, Valentin, Memo Mancini. De partir directement d'un club amateur à un club professionnel en Europe. C'est pas tout le monde qui le peut faire et qu'il y a la chance de faire. Je crois que tout le monde, je ne sais pas si c'est un exemple, mais tout le monde aimerait avoir cette chance, non, de venir ici, en Europe, à Girondin. La région dans laquelle vous habitez, c'est la région de Cordoba, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est une région qui est très football? Très football. Pourquoi? Déjà, tout le club grand va à chercher des joueurs à l'intérieur. C'est une région de beaucoup de football, mais aussi de beaucoup, c'est une colonie espagnole et italienne. C'est pour ça qu'on a mis le projet Crescer là-bas, parce qu'il y a la chance, la possibilité de passeporte communautaire. Si tu n'as pas la chance de passeporte communautaire, c'est difficile de venir ici à Europe. C'est pour ça qu'on a mis là. Il y a beaucoup de joueurs, même il y a des joueurs aujourd'hui, que, par exemple, il y a deux joueurs de mon club, Valentin Isla et Julián Romero, qu'il est venu Independiente, Il joue Independiente, il joue à River Plate. Deux joueurs qui sont partis de mon club, que c'est Guadeloupe, que c'est à côté de Projecto Crecer, qui sont partis à un club professionnel. Romero, aujourd'hui, il a 16 ans, il est pré-sélection argentine, aujourd'hui. Comment dit-on ? Mais peut-être, les clubs n'ont pas le profil des joueurs argentins. Vous me comprenez ? C'est pour ça que, à mon avis, on doit avoir une décision. On potence, on croit, on y va. Et on potence le football, projet de crecer pour le marketing au club, pour tout ce que signifie, ou pour que croit que peut-être peut sortir un Messi, un Di Maria, peut-être un jour, ou on arrête. On dit, ok, on y a d'argent, mon ami, quand je veux un bon joueur, je veux Argentina, comme un coup, bye, il s'est fini. Mais, oui, vas-y, Cyril. Mais qui décide au club ? Parce que tu as le profil. Est-ce que c'est Macia ? Est-ce que c'est Sousa ? Est-ce que c'est Varela ? Mon ami, je ne te peux pas répondre ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre ça. On demandera d'Agrossac en l'eau. Sincèrement, je ne sais pas. Mais même si je le sais, je ne te peux pas répondre. Demande à Macia, à Varela. Mais ils veulent pas nous parler. Oh, en même temps, on leur a pas demandé. Non, mais on va demander à Dagrossa quand on l'aura. Who is the boss in your club, Joe? Non, c'est pas être le boss, mais à un moment donné, le sportif qui a les clés du sportif. Who decided? Et de la formation. Ah, mais peut-être Cissé. Le Cissé et de la formation. Oui, mais d'ailleurs, Cissé, est-ce que les rapports que tu as avec Cissé, ça c'était bien? Avec moi, il était super gentil. Il m'a donné la chance de rester. Il y a beaucoup de. Al début, quand il est arrivé la fin de la session, il m'a dit que. No compta pas sur moi. Après, il a changé d'idée. Il m'a dit que je peux rester au club. Qu'il a parlé avec le dirigeant. Je peux rester. Ok, je le remercie beaucoup. Après, comme je dis, c'est une décision personnelle. Parce que j'ai mis en la balance beaucoup de choses. Et je crois que je me dois occuper de ma famille, de mon père, comme il s'occupe de moi. Et lui, il n'est pas bien. Et je crois que ici, je reste seul avec ma femme. Mon fils, il est parti. Malheureusement, je sais que ne retournera pas. Ok, je dois prendre une décision et de temps en temps, il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent ou que la partie professionnelle, non? Que c'est l'aspect humain. Non? Avant de passer à la suite, parce que malheureusement l'heure tourne, il est déjà 9h15, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et avant de passer à la suite et aux trois matchs qui nous intéressent, Valentin, Almeria, ça va, il s'est bien comme ça, son arrivée, ça s'est bien passé, il se plaît là-bas, il est. C'est bien passé. Il est content. Il est content. Il a fait un, je crois que il a entré 10 minutes, il a marqué un jour. Après, oui, il a débuté un match, il n'a pas été bien, mais le dernier match, il a joué 87 minutes, il a fait de bonnes choses. Vous l'avez vu à chaque fois là-bas, vous êtes allé. Non, j'ai pas allé, je pars demain à voir le match. D'accord. Demain, c'est la première fois que je vais aller. En tout cas, on va voir sur Twitter, ça intrigue et on voit les commentaires des supporters d'Almeria qui sont enflammés. Alors après, c'est une recrue et on attend, mais Almeria, ils ont souvent des Argentins. Moi, je me souviens de Pablo Piatti, qui était excellent à Almeria. Oui, Messi peut avoir cette cote de popularité où on considère comme un bon joueur, voire très bon joueur de l'équipe. Et Almeria, en plus, qui est un prétendant pour monter en première... En Serie A, t'allais dire. En Serie A, ouais, c'est ça. En Liga. Oui. Ça sera peut-être un bon choix. Ça veut dire c'est faire cette année en seconde division en sachant que Almeria peut monter, vu que le choix a pu étonner après la demi-saison qu'il a faite à Saint-Etienne. On s'est dit il aura des propositions ailleurs. Et d'être directement dans une équipe qui est en première division. Pas beaucoup. Trois clubs en France. On a fait la possibilité de jouer en trois clubs en France. Plutôt. On va. D'équipes en ce moment, c'est la possibilité, comme Brest, comme Angers. Qu'il y a des contacts. Après. Il attend Saint-Étienne, mais Saint-Étienne, il a pris à Youssouf, son poste. Et après, il y a un équipe espagnole de 200 divisions qui l'était intéressé jusqu'à dernier moment, que c'est. Comment ça s'appelle? C'est un club intéressant, très intéressant, qu'il a descendu. Et après, il y a l'Olympiakos de Grèce. qu'on était jusqu'au dernier moment à décider un ou l'autre. Et je crois qu'il a bien décidé. Parce que c'est un club qui a un objectif, un programme, un club qui lui a donné la chance de jouer. Et c'est Espagne. C'est Espagne qui est le football espagnol pour moi. On a pris la décision ensemble. C'est plus adapté, comme vous dites. Déjà, avec la langue, déjà, c'est facile. Il y a plus d'espace, c'est technique. Il n'y a pas de grand gabarit, tout le monde. Je crois que j'espère pour lui qu'il a pris une bonne décision. On l'espère pour lui également. Et puis, on va lui souhaiter évidemment une super saison avec Almeria. Oui. De pourquoi pas monter en. Tout est prévu, Marcelo. Regardez bien. Si tout va bien, cette année, Bordeaux, on finit dans le top 5. Donc, on se qualifie en Europa League. Oui. Almeria monte. Oui. L'année d'après, ils finissent aussi en Europa League. Et dans deux ans, si tout va bien, on chope Bordeaux-Almeria en poule. Et vu qu'on est Bordeaux, c'est Marcelo qui va nous éliminer au match retour à la 80. Marcelo, pardon. Non, Valentin, non. Qui va nous éliminer à la 92e minute. On y aura cru. 2-0, 2-1, boum. Non, je rigole, mais. Peut-être il est malade ce jour, s'il joue contre Bordeaux. Peut-être il va être malade. Non, mais je rigole, mais on espère en tout cas vraiment que. Parce que je pense que c'est l'avis vraiment de pas mal de gens à Bordeaux et de supporters à Bordeaux de se dire Valentin, c'est vraiment pas un garçon qui c'est un garçon qui aurait qui méritait tellement voilà de par la persévérance qu'il a eu de vouloir rester et l'amour qu'il a montré à ce club. Il n'a pas toujours été aussi peut-être bien traité par les différents coachs qui sont passés. C'est dommage. Mais tous les coachs et toutes les personnes, c'est pas les clubs. Lui doit respecter les clubs parce que c'est le club qui a fait tout pour lui. Si c'est trio de Vélez. Et après, on doit accepter les décisions de l'être humain, qui de temps en temps sont bien, de temps en temps sont injustes ou sont mal. Et comme je répète encore, pour moi, la décision de Gaëtan Laborde, c'était injuste aussi. C'est un mec que j'aimais beaucoup, parce qu'il a mouillé les maillots de Bordeaux, comme mon fils. Ce sont des mecs qui réellement aiment les clubs. Mais Marcelo, maintenant, entre nous, maintenant, il est plus à Bordeaux, on peut se le dire. Poyet, il le savait qu'il allait partir, Gaëtan. Oui, je sais pas. Si, oui, je sais. Je ne sais pas. Mais remarque, c'est une réflexion intéressante sur les cas d'Emiliano Sala, Valentin, voire Gaëtan Laborde. Emiliano, il était jamais Emiliano, la chance de jouer. Emiliano, moi, je me souviens, on en parlait tous les deux à l'époque. Il a été prêté souvent. Il y avait Anthony Modeste. Diabaté qui marquait pas les deux, Emiliano jamais il avait sa chance. C'est peut-être ça ce qui manque avec ce partenariat, s'il doit être continué avec un club, peut-être en seconde division, alors soit française soit ailleurs, qui permette à ces jeunes joueurs de progresser, d'avoir vraiment un vrai niveau, un niveau qui permettrait de s'imposer directement en équipe première, vu qu'on a vu Laborde ou Salah après. Ce sont des joueurs qui ont réussi à s'imposer. Et Valentin va espérer à Almeria. Et finalement, c'est peut-être ce qui manque aux Girondins. Un truc intermédiaire, un partenariat intermédiaire qui permette aux jeunes de s'exprimer. Bien. Et surtout, les clubs dans lesquels ils sont allés, que ce soit Emiliano, Gaëtan, etc., ils ont réussi à les développer physiquement pour le coup. C'est-à-dire qu'Emiliano n'avait pas le même volume physique quand il était au Girondins de Bordeaux que quand il était à Nantes et qu'il allait partir pour Cardiff. Et même, la même chose pour Gaëtan Laborde, quand il arrive à Montpellier, on le voit déjà. Des saisons en Ligue 2, en National, ça te fait un bonhomme. Quand Laborde, il passe un an à Tours. Non, c'est Niort. C'est Niort. Oui, tu voilà, as pris le Red Star. C'est mis à Niort. C'est Clermont, qu'il a fait Gaëtan Laborde. Clermont Foot et Corinne Diacre. Léa, je dois dire, c'est que je pense aussi, que peut-être je n'ai pas la vérité, mais je ne suis pas d'accord de dire que les mecs, peut-être, ne sont pas niveau pour jouer à Bordeaux. Je crois que Bordeaux ne sont pas joués aussi. Mais Emiliano a montré qu'il y a la capacité pour jouer en Ligue 1. Alors, en Valentin, pour moi, il y a la capacité pour jouer en Ligue 1. Mancini, pour moi, ils ont la capacité pour jouer en Ligue 1. Après, si Bordeaux ne m'a pas, su façon de jouer, ama, préfère autre joueur, les coachs préfèrent autre type de joueur, c'est une décision au coach. Mais je ne crois pas que les mecs ne sont pas les niveaux pour jouer à Bordeaux. Bordeaux, aujourd'hui, oui. Légard, j'espère qu'il va faire une bonne saison, qu'il va monter. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a deux dimanches, Bordeaux, oui, il y a une. Il c'était compliqué. C'était pas bien. Ouais. Mais après, c'est peut-être. Oui. Mais non, je crois qu'il va faire une bonne session, qu'il va monter. J'ai beaucoup d'espoir. C'est peut-être pas le niveau, mais un rapidement, exemple, Adrien, Bernard on passe Denis, à la suite parce que le temps commence vraiment à presser. C'est des joueurs qui vont s'imposer, qui se seraient imposés dans une saison, et quand ils reviennent, tu te dis, bah, c'est obligé de le faire jouer parce que il a trop montré pour ne pas montrer. Oui, Cyril. Alors, la ultima. La ultima, la question qui tue. Excusez-moi, Marcelo, mais je suis obligé d'en parler. Le loft. On est obligé de dire. Alors, c'est le premier que j'ai vu quand j'ai arrivé ici en France. Et c'est le dernier que je veux voir. Non, mais je suis désolé, mais le loft. Mais dans l'avion, il sera sur le tarmac, sur la piste. Oh peut-être que je vais venir à l'Argentine, c'est moi qui le vois. Mais à l'époque, tu m'avais dit que je pouvais venir. Et bien puis, sûr, mais vous pouvez venir quand vous voulez. Léa. Ah, je partirai là-bas peut-être en janvier. Et après, j'essaierai un placier. Mon rêve absolu, c'est d'aller en Argentine, de voir Boca River. Après, je peux mourir dans la seconde, mourrai heureux. Mais ça, c'est un spectacle ça, que tout le monde doit voir, pas seulement toi. Ça m'arrivera sûrement jamais, mais ça, c'est un truc, si je pouvais. Et moi, je voulais juste dire un mot sur le loft. River, évidemment. C'est quelque chose, le loft, ce qui s'est passé cet été, c'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Oui. Comment Valentin l'a vécu? Est-ce que, parce que tu vivais avec lui, est-ce que ça a été vraiment quelque chose de dur pour lui? Tu veux que je dise la vérité? Oui, bien sûr. Mon fils, il y a deux ans et demi qu'il a souffert beaucoup. Mais souffert, c'est dur. J'arrivais à la maison et regardais ton fils de 20 ans, 21 ans, 22 ans que pleut, qu'il a fait, qui me dit, papa, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Je mets tout l'entraînement, je mets tout, je n'ai jamais arrivé en retard, je suis... tout pas blessé jamais, j'ai fait les efforts, mais ok, je suis sûr qu'il a donné tout, ça c'est ma tranquillité. Après tout le monde peut dire ce que vous voulez, hein. mon fils il était respectueux, il cloue toute la vie, il s'entraînait à 100%. Après c'est la décision personnelle, décision au coach, je sais que lui la unique tranquillité qu'il a, qu'il peut se regarder dans le miroir et dire, ok, je ne peux pas réussir parce que le club ne m'aime pas, mais j'ai donné 100%, tout. Et c'est comme ça après, la vie des footballeurs, c'est cas, pas facile. Hein. Je pourrais lui dire en tout cas que les supporters, et je sais parce que sur les on en parle beaucoup. Valentin, il était très apprécié, très aimé. Et moi, personnellement, Valentin, j'ai toujours aimé. Et malheureusement, les supporters, peut-être l'aimer, mais pas les staff. Et ça me fait. Oui, malheureusement, c'est pas nous. On met pas les joueurs sur la feuille. Ça me fait vraiment mal au cœur de le voir comme ça. Sinon, je vous garantis que Camano, c'est le meilleur. C'est pour ça que la décision, je crois que c'est mieux qu'il a. Oui, plutôt que souffrir. Il va insister. Il veut rester, il veut insister, je lui dis, bon, écoute, Valentin, c'est fini. C'est moi qui lui dis, s'il vous plaît, c'est fini. C'est fini pour que tu vas disparaître. Parce que tu t'imagines, le club, il a perdu 17 matchs consécutifs et jamais il a donné la chance. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il doit faire pour. Ou alors, il jouait, je me rappelle. Tu dis, gagne tout le temps, ok. Ou il le faisait rentrer des fois 5 minutes à la fin, il jouait des petits bouts à la fin, enfin il jouait que là, il jouait 5 minutes, 10 minutes. Quelque chose pour dire il est pas bon, il est bon. Oui, non, voilà. Non, c'est pas. Allez, non, Adrien, je suis désolé. Non, c'est juste, ce qui est drôle, c'est qu'à Saint-Etienne, il y avait Aït Bennacer en même temps que Vada, et c'est Vada qui s'est imposé. Oui, il était blessé, mais même quand il pouvait jouer. Bah écoute, on verra bien cette année. Messieurs, Marcelo, on va passer. Il reste une. J'y vois rien. Il reste une demi-heure d'émission. On va parler des Girondins. On va parler de trois matchs qui nous intéressent, le match nul face à Brest, la victoire face à Amiens, le match de demain face au Paris Saint-Germain. On va commencer par. Je cherche le petit jingle, la petite musique. Elle est où? Hop, elle est là. La petite musique de la Ligue 1. Ouais, pas. C'était samedi dernier 20h, Bordeaux recevait Brest. Bordeaux a mené rapidement par Jimmy Briand. Bordeaux a ensuite été rejoint, puis été mené de buts à 1, pardon, à la mi-temps. Pablo a égalisé à la 69e minute et Bordeaux concédait donc un match nul face à Brest pour son deuxième match à domicile d'affilée. On va y revenir rapidement, on s'attardera un petit peu plus sur le match d'Amiens. Cyril l'a dit tout à l'heure, un bon début. Alors Marcelo, déjà, première question, est-ce que vous avez pu voir les matchs Brest-Amiens? Oui, les matchs de Tunis, je les vois. D'accord. Bordeaux qui démarre très fort le match face à Brest, Jimmy Briand qui ouvre le score très rapidement. Je crois qu'on a trois occasions en 5 minutes, 10 minutes, tu marques. Et alors après, petit à petit, Brest reprend le dessus, mène fort logiquement, il n'y a rien à dire. Bah, on a pris une leçon de football sur le premier but. On a pris une marée pendant 50 minutes. Sur le premier but, c'est juste une leçon de football, tout en une touche. Ils partent de leur camp. Ils te la font, enfin c'est le but est magnifique. Après la défense a été laxiste aussi. Et non, tu peux pas dire ça. Mais c'est Cyril plus près. Non non, si parle mais devant le micro. Tu peux pas dire ça. Sur le premier but, le gros problème que tu as, c'est que tu appliques les consignes de Sousa, tu repars au sol et en repartant de derrière. Le problème qu'il y a, c'est que tu te retrouves avec Pablo qui est arrière gauche alors que c'est un défenseur central droit. C'était le problème de Kalou, piston gauche qui revenait pas défendre. Et du coup, sur ce but-là, malheureusement, ce que tu retrouves à Amiens, les difficultés que tu as eu contre Amiens, c'était aussi sur cet endroit-là du terrain, et l'arrivée de Benito, le retour de Benito va nous faire du bien. On a revu un peu le même match que face à Metz, où Bordeaux avait démarré très fort en marquant 2 buts. Exactement. Et derrière, Bordeaux s'était un petit peu effondré. À la différence, c'est que Brest, c'est pas Metz, et Brest a su trouver les failles là où Metz n'avait pas pu le faire. Et à partir de la 5, quoi, on va dire à l'heure de jeu, bizarrement, ça correspondait au changement. C'est Maja qui rentre à la 65e à la place de Ben Raoult. Bordeaux s'est mis à aller un petit peu mieux. Alors, c'était pas la folie, mais c'était quand même beaucoup mieux. Égalise logiquement sur corner et à deux doigts de. Juste avant Mendy, je crois que c'est Mendy, c'est Alex Mendy. Qui tape le poteau. S'il y a 3-1, le match il est plié. Tu peux dire merci. On égalise. Kalou rate la balle du 3-2. C'est normal qu'il joue, Mendy. Mais non, il est prêté. Non, mais tu rigoles quoi, tu l'as foutu dans le loft. Oui, mais il est prêté. Oui, le mec, j'allais dire, il est prêté. Tu vas pas lui interdire de venir. Adrien, on n'en voulait pas, on va pas aller dire à Brest, le fait de pas jouer contre nous, je suis désolé. Il l'aurait quand même pris. Non, il faut rater. Marcelo, sur Brest, ce match, il vous a pas forcément peut-être plu comme à nous. Je dois parler en façon générale. Je crois que, mon avis, c'est mon avis. Je crois que, en tous les matchs, Bordeaux, il y a je crois qu'aujourd'hui, pour la tête de Paulo Sousa, c'est trouver une régularité pour tous les matchs. Pour Bordeaux, il y a des périodes excellents de jeu, comme tu dis, il y a démarré un match excellent, 15-20 minutes contre lui. Après, on n'a pas existé. Pour moment. Et après, on revient encore. Et on fait 10 minutes. Mmh. Sur les mêmes matchs, il y a beaucoup d'irrégularités. Je crois que quand Bordeaux peut trouver peut-être la régularité des joueurs, attention, je ne dis pas avec l'intensité, parce que l'intensité, c'est difficile de soutenir pendant 90 minutes. Mais avec équilibré, avec possession de ballon de temps en temps, pression de temps en temps, je crois que Bordeaux, pour moi, peut être un sérieux candidat à jouer l'Europe. Pour moi, c'est mon avis. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui doit passer pour la tête de Paulo, c'est trouver un équilibre, surtout un match. Que pour le moment, il n'est pas, même contre Amiens, il n'est pas été toujours. Enzo. Oui. Mais moi, ce que j'ai trouvé flagrant, c'est Brest. Est-ce que c'était le premier match juste après la trêve ou pas? Non, c'est avant. Tu reçois Metz. T'as Metz. J'ai remarqué sur ces deux matchs, les deux premiers, une baisse physique au bout d'un moment. J'ai l'impression que pendant la trêve internationale, ils ont dû faire à fond du physique. Parce tu les voyais très fort les premiers quarts d'heure à chaque fois. Ouais, et derrière, pressing. Ouais, mais même tu voyais, le premier match qu'on fait contre Metz. Tu regardes les joueurs, tu vois Pablo, etc. Ils étaient carbonisés à la fin. Ils étaient tous crevés. T'as l'impression qu'ils ont dû bien charbonner pendant la trêve. Je pense que c'est aussi ce qui a été dur, mais après c'est vrai que tu vois le Bordeaux, c'est plutôt intéressant. Mais comme dit Marcelo, t'as toujours un passage où ils sont vachement intéressants, où ça pressing, ça joue, etc. Et un autre, t'as l'impression en fait d'avoir une autre équipe. Mais de A à Z, enfin, c'est, il y a plus de jeu, il y a plus de pressing, t'as juste brillant qui court partout. Il y a ces deux côtés. T'as raison. Où il y a ces deux côtés où on est capable de commencer très fort un match, c'est de ça. Le finir aussi très fort. Ouais. Ou même des fois t'as des 5 minutes, hop, ça joue bien, etc. Et après ça bloque. Ouais, Cyril. Il y a une stat intéressante, c'est que Bordeaux n'a pas pris de but en seconde période. En seconde mi-temps. La seule équipe à ne pas avoir pris de but en deuxième période. Pour l'instant. Depuis le début du championnat et avoir marqué à chaque match. Puisque Paris a perdu 0-2 contre Reims. Le monsieur qui est venu, comment s'appelle, de Angleterre, international, je crois que c'est fait, oui, il a fait des bien. Ça fait du très bien. Bien, très bien. On l'a vu de suite, il est arrivé, ça fait trois matchs et la hop. Classe. Ouais. Non, mais après, il donne une sérénité, une tranquillité. Je suis tranquille. Défensivement, avec Bordeaux, je suis tranquille. C'est ça ce que je pense. Après, il y a des concentrations, il y a des trucs comme c'est le football, non, de temps en temps. Un peu plus près, s'il vous plaît, Marceau. Un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Si tu me demandes pour moi, merci. Pour moi, c'est pas un problème défensif, c'est aussi un problème de possession de ballon, de pouvoir jouer, de pouvoir soutenir le ballon quand tu gagnes un match 2-0, 1-0, pouvoir. Et qu'on doit trouver un équilibre. Ouais. On continue, on a quelqu'un au téléphone, Cyril, je sais pas qui c'est. C'est Tard. Salut Tard, comment ça va? Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Tard, je t'explique. On a Marcelo Vada en studio avec nous, le papa de Valentin. Oui. Tu nous appelles pour Brest, tiens. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match nul? Après on parlera d'Amiens rapidement et on finira par Paris. Brest. Ouais, Brest. Ben écoute, je suis un peu pareil que vous, hein, comment dirais-je, on passe par un peu plusieurs phases, et à la fin, on a presque l'impression qu'on peut l'emporter, notamment la face-à-face, comment il s'appelle, Calou et le gardien, et comment tu l'appelles, c'est dommage, j'espère qu'aux entraînements, ils s'apprennent un peu à cadrer, là, comment il s'appelle, Otavio. Ah oui, oui. À un moment donné, une passe en retrait, c'est les deux dents, c'est pareil, hein, et les mains dessus. C'est dommage. Je pense que là, pour moi, il y a plus de regrets là, parce que je m'attendais pas à ce qu'on fasse un match qu'on gagne à Amiens à 3-1 en plus, tu vois. Je pensais plutôt qu'on battrait Brest à Bordeaux, à la maison. Ouais, mais le contenu. Il y a, moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est le but, le premier but qu'on prend. Et voilà, quoi, c'est. J'ai eu l'impression de. Comment dire. On se fait un peu balader. Hein. Oui, c'est. Et contre Amiens, c'est kiff-kiff. Mais d'ailleurs, il faut remarquer la différence entre Brest et Amiens en termes d'équilibre. Où à Brest, on avait Tchouaméni en plus, qui avait un rôle un peu plus défensif. Alors qu'à Brest. Contre Amiens. Non, alors qu'à Brest, on avait Adli au milieu avec Otavio et Calou en plus sur le côté qui prenait un peu place qu'avait eu Benito lors du match contre Lyon. Et du coup, on avait un jeu très offensif dans l'idée et on le voit sur le premier but. Adrien, sur la suite. Depuis tout à l'heure, les gars, on parle du premier. Je suis en train de revoir le deuxième. Oui, sur le deuxième, c'est pire pareil. Que le premier, le deuxième. Ils partent, ils sont dans leur surface. Non, ils te font 10 passes et ils. Mais c'est parce que notre. On était peut-être un peu trop offensif dans notre schéma Calou. C'est pour ça que le retour de Benito, qui sera sûrement titulaire demain, va équilibrer tout ça. Et les phases moins bien, on n'arrive pas à faire le pressing et tout. On aura une assise défensive qui permettra de tranquilliser tout ça, vu que contre Brest. On l'a vu, mais Brest, ils auraient pu marquer beaucoup plus, hein, s'ils voulaient. Encore avec l'occasion de Mendy. On était déséquilibrés, c'était un risque un peu trop important qu'on a pris. Et c'est pas le premier match de la saison où on a essayé de jouer très offensif. Et on peut pas encore. Mais c'est un risque pris, mais j'ai l'impression que c'est pleinement les consignes que veut Paulo Sousa dans son dispositif. Marcelo a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est le mot régularité. Et tant que tu n'auras pas mis en tout cas cette régularité, Bordeaux aura beaucoup de mal à maîtriser autant ces matchs qu'ils ont pu le faire contre Dijon ou contre Lyon. Parce que contre Brest, c'est purement ça. Contre Lyon, t'as au niveau de la possession et tout ça. Contre Lyon, non. Oui, mais tu fais 25 minutes ou t'es au-dessus. Mais c'est pas. On va pas, mais, c'est pas mais tu gères continue. Un peu mieux. Il y a un problème dire. De concentration. Pour moi, mm-hmm. pour le moment, il y a un problème de concentration. Si tu vois des buts que prend, ce n'est pas normal. Mais l'idée, mais... c'est l'idée des systèmes de monsieur Esso. C'est-à-dire sortir des balles propres tout le temps, pressionner tout le temps. Je respecte beaucoup ça, mais vous devez savoir que le football, de temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça ne marche pas. Regardez Paris hier. Regardez l'aspect défensif. Sincèrement, j'ai resté surpris défensivement. Mais alors, je vais te dire, pour moi, le problème qu'il y a eu à Bordeaux là, sur ces débuts de saison et pourquoi on a du mal, c'est que pour moi, à côté d'Otavio, il manque quelqu'un pour justement ces transitions, pour quand on récupère le ballon, vite se projeter vers l'avant et quand on perd le ballon, vite reculer. Et Tchouaméni, c'est peut-être un joueur de devenir. Mais il n'a pas le niveau à l'heure actuelle. Il n'est pas encore prêt à jouer 90 minutes toutes les semaines. Et bon, peut-être c'est pas la caractéristique d'Aurélien. J'ai travaillé Aurélien. Pour moi, c'est un très bon joueur récupérateur de ballon. Mais c'est pas un joueur qui te va donner la transition, un joueur qui te va donner le football. C'est un joueur super doué pour récupérer, pour donner physique. Mais c'est pas pour voir comment c'est. C'est Thomas. Pour ça, moi j'ai trouvé une grande différence sur le match d'Amiens, notamment, c'est qu'on a pu voir qu'en attaque c'était du 4-2-3-1 avec Adli vraiment en 10, un véritable 10 qu'on n'avait pas contre Brest. Alors, Amiens, alors les relais, alors qu'on n'avait pas de relais contre Brest, entre le milieu de terrain donc, qui était contre Brest, Adli et Otavio. Mais Adli, pour moi, peut être un messier, un joueur de caractéristiques offensives. Pas Aurélien, pas Octavio, pas Odi, même Vendrau, sont des joueurs offensifs, qui peuvent donner offensivement. Et surtout, moi, Yacine, je trouve qu'il me fait un peu penser à Valentin, à tous ces joueurs qui sont hyper respectueux. J'ai l'impression vraiment qu'ils se font vraiment dans l'effectif et qu'il a l'air d'être bien à Bordeaux aussi. Il a dit trouver mon club. C'est fini, Valentin, c'est fini. Malheureusement, c'est fini. Malheureusement. Mais surtout. Après Yacine, ce qu'il avait, il a eu les espaces. Et là, quand tu dis qu'on a mis Tchouaméni et Otavio, c'est que on a enlevé à Adli cette pression défensive qui contre Brest, même s'il fait pas un mauvais match défensivement, il a des trous. Et du coup, offensivement, si tu dois faire le remplacement et tout ça, t'y es pas, sachant qu'Adli, physiquement, il est pas encore à 100%. À 100%. Adli, là où ça m'a plu... Pour moi, pour jouer les trois, Octavio, Aurélien, il est plus haut. C'est ça. Peut-être qu'il a trouvé le vrai schéma avec... on se posait la question, d'ailleurs, à Angers, où il avait fait ce milieu avec deux joueurs vraiment où c'est compliqué, mais en plus avec des jeunes joueurs qu'on a, Adli il peut avoir cette caractéristique. Et moi ce qui m'a plu dans son match qu'il a fait, c'est que ça, c'est le type de joueur qu'on voit pas souvent. Ça veut dire que à l'époque on aurait dit 10, il peut être un 10 qu'on n'a pas vu depuis longtemps au Girondin. Et qui a aussi, en France, cette caractéristique physique. Ça veut dire que ce n'est pas un joueur petit. Il est physiquement, s'il travaille encore, il peut bien s'imposer au milieu. Et les chambres. C'est ça. Alors, c'est ça. Adrien a dit une chose importante, c'est qu'il n'est pas souvent titulaire. Mais pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu du match d'Amiens, c'est que Yacine Adli, à lui tout seul, quasiment, même s'il y en a plein d'autres qui en ont, symbolise tout le caractère de cette équipe, cette saison des Girondins de Bordeaux. Parce qu'à 19 ans, comment dire, faire un match qui fait, même si tout n'est pas absolument parfait dans ce match-là. On va se calmer les enfants. Non, mais... Amiens, c'était quand même d'une tristesse sans nom. Mais moi, je parle juste d'Adli, je parle pas du contenu de la performance. Oui, mais si tu parles de la performance d'un joueur, faut la mettre en perspective avec la performance des mecs d'en face. Tu ne peux pas penser qu'un mec de 19 ans va mettre l'équipe sur son dos et amener. C'est les autres qui doivent aider Adli à qu'il trouve son haut niveau, parce que pour moi, c'est un mec super doué, un joueur super doué qui peut porter beaucoup de football. S'il y a quelque chose que j'ai pris en football, c'est que tu ne peux pas changer les joueurs. Pour moi, les joueurs offensifs, c'est offensif, les joueurs récupérateurs, c'est récupérateur. Tu ne peux pas demander à Aurélien Tchouaméni qui fait le travail d'Adi, et tu ne peux pas demander à Adi qui fait le travail d'Aurélien Tchouaméni. Il y a des choses que c'est ça, c'est pour ça que notre travail c'est passionnant aussi, hein, parce que il y a des joueurs que tu dois analyser tout le temps et savoir où il est mieux, comment tu peux mettre ici. Il y a des joueurs peut-être qui aiment beaucoup, qui voulaient aimer, qui voulaient parler en face de tout. Il y a des joueurs que tu le dois amener à ton bureau pour parler, parce que sinon, non, n'aime pas. Les joueurs sont toujours différents. Et si c'est le métier de coach, trouver un équilibre dans l'équipe. Et je crois qu'Adi ne le peut pas exiger des choses. Aujourd'hui, il a 19 ans, les gars. Attends, tout le monde le doit aider ce mec, à ce petit, à réussir. Tu ne peux pas demander des choses, tu le dois demander à les plus expérimentés. Vous me comprenez? Monsieur Bada. Vas-y, Tahar, il t'écoute, Marcelo. Oui, bonjour, tout mon respect. Hein. Pour ce que vous avez fait pour votre fils, monsieur, pour qu'il vienne à Bordeaux. Tahar, Marcelo, je vous explique, c'est un supporter girondin qui vit dans la région de Marseille. Et qui nous appelle résistant, Jean Moulin, et qui nous appelle assez régulièrement. Vas-y Tahar, Marcelo. Non, je préfère que c'est Avignon, tu vois. Vas-y Tahar. Oui, je lui disais, bon, tous mes respects, voilà, pour ce qu'il a fait pour que Vada, le fils, vienne à Bordeaux. Voilà, ça c'est la parenthèse, je referme. Je voulais simplement lui dire qu'il y a un contre-exemple à ce qui concerne Adli, c'est Pirlo. Il a commencé à 10 et il a fini à 8. Et tout en gardant la technique de 10. Oui, oui, il a commencé 10 et il a terminé 8. Il a fini à 8, un récupérateur, box-to-box, comme on dit. Mais c'est pas interdit. C'est-à-dire qu'Adli peut, à la limite, je le vois bien, parce que moi, je l'ai pas vu, je sais pas qui c'est Marc qui parlait tout à l'heure, je l'ai pas vu contre Amiens en 10, moi. Je l'ai vu plus en 8, style Pirlo. Oh, je pense plus 10, là, Tahar, il n'y a plus de position réellement. Tu avais deux récupérateurs et tu avais un milieu qui était pour la création. Et les trois devaient jouer assez serré en phase offensive et en phase défensive. Il n'y a pas vraiment de position. C'est un trio, comme tu vois. Et seulement, Adli, il était plus là justement pour les transitions quand on récupérait le ballon pour faire projeter le bloc vers l'avant. C'était ça vraiment le rôle de Adli. Adli devait se mettre entre les lignes. Ça veut dire qu'on voit tout le match d'Amiens où il doit se mettre entre les lignes. Et il s'avère que là où il y a le plus d'espace, c'est quand t'es en pointe haute avec les deux récupérateurs. Donc oui, 10, moi je pense vraiment qu'il jouait 10. Parce que c'est... le poste d'Adli et ce qu'on a vu contre Brest aussi, mais il était plus bas et ça avait moins d'impact. Sa caractéristique, c'est que sur sa prise de balle, il arrive à aller vers l'avant. D'accord. Et contre Brest, il a fait. Mon problème, c'est quand tu fais ça au milieu de terrain, ça n'a pas un énorme impact. C'est simple. Très bas. Adli, c'est un joueur créatif. Un joueur que là, tu peux attendre. Que tu peux attendre en tout moment, qui fait une chose différente, que tu peux donner un truc différent à tout le reste. Et les autres sont des joueurs récupérateurs qui font très bien son travail. Et ça c'est une équipe, non? C'est construire une équipe, un équilibre entre le mec qui va faire l'effort pour récupérer et après le mec qui doit donner du football, donner des possibilités d'attaque, des possibilités de but à les moi, une chose que j'adore surtout, enfin que je vois avec Paulo Sousa, ce que j'adore, c'est vraiment de voir qu'en fait on n'a pas un dispositif de base. En fait, il évolue au fil du temps, il évolue au fil des attaques, des défenses. Et ça, c'est quelque chose de bien aussi, parce que quand tu vois que Pablo, après, bon, même si c'est pas forcément son poste, il passe arrière gauche. Avec des joueurs différents surtout. Il y a pas d'équipe type actuellement à Bordeaux. Oui, déjà, t'as pas d'équipe type. On va dire, t'as une ossature. Voilà, t'as une ossature. Donc ça, c'est bien. Avec ta défense, ton milieu, tes deux gars devant. Mais après, c'est exactement ce que disait Paulo Sousa avant le début de la saison. Il disait, moi, je veux avoir moins de joueurs, mais des joueurs qui peuvent rentrer dans la rotation et qui peuvent avoir le niveau. Voilà, il veut avoir assez de joueurs qui ont quasiment le même niveau pour pouvoir se titiller un peu. Et surtout, ce qui est bien, moi, ce que j'adore vraiment, c'est ce changement de dispositif au cours du match. C'est vachement pratique, parce que quand tu vois des fois sur phase offensive, phase défensive, quand tu vois l'apport d'un Kouateng ou même d'un Adli, des fois, on le voyait, Adli, il jouait ailier droit presque dans le match. Ça dépendait des fois et ça dépendait des actions. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que chaque joueur peut... comme ça, quand t'es le défenseur adverse... et que t'as un mec qui change de poste tout le temps, mais t'as pas le temps de prendre tes marques et de dire « Ah, lui va faire ça, lui va faire ci », parce que t'as jamais le même joueur, donc offensivement, c'est intéressant. Oui, Cyril. Je tiens juste à dire deux petites choses. Sur Adli, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est sa façon d'être avec le ballon. Dès qu'il a le ballon, il a une aisance, il arrive à feinter sans vraiment bouger son corps, Il a fait, je sais pas comment dire, c'est plein de fois. C'est le gars, il bouge sans bouger. Non, mais c'est plein de fois quand il récupère le ballon, il arrive à feinter son défenseur sans vraiment. C'est des joueurs de créateurs au il milieu. A une aisance. Le timing qui est hyper important et on voit sur beaucoup de joueurs créateurs, on en a eu au Gironda et on le voit le dernier après, qu'on a eu. On a le temps hein, avant de le comparer. Non, mais... Adrien. C'est bon. Se calmer. Non, mais le chemin est long. Il y a quelques années, Certic c'était Pirlo. Certic a jamais eu les caractéristiques. Non, il a de la barbe. Mais voilà, après, est-ce que progression. Oui, non, mais c'est juste dire. Et après Thomas, parce que le pauvre, il veut juste, dire. Et juste finir, parce qu'on va parler d'autres. Je veux parler d'autres choses d'Adli. Je veux signaler aussi que la première titularisation de François Camano. Que j'ai trouvé intéressante. Je l'ai trouvé intéressant, je vais te dire il pourquoi. Il a été affligeant, arrête. Parce qu'offensivement, il a été en difficulté, mais quand toujours fait le job défensivement. Quand on lui a demandé de descendre latéral droit, il est descendu. Quand on lui demande de descendre latéral droit, chose qu'il n'aurait jamais fait avant, il a accepté de le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu du déchet, mais bon, on peut pas lui demander d'être au top alors que les autres ont 7 matchs et que lui, il en a pas. Moi, ce que j'ai trouvé que dans la mentalité, il était là, il était bien. J'allais revenir sur François Camano. Donc. Ouais, parce qu'Adli, son entrée à Brest, il a été transparent face à Brest. Catastrophique à Brest. Ouais. Et puis contre Amiens, pour moi, il était très médiocre. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il a vraiment sa place offensivement dans l'équipe ? Moi, je me pose même la question, je me demande, on nous explique que, visiblement, Jonathan Cafou, Paul Bayce, anciennement Valentin, Mancini, Alex Mendy et Younous Sankaré n'ont pas visiblement la bonne attitude pour faire partie de ce groupe pro. Quand je vois l'attitude de François Camano sur le terrain, mais j'ai envie de dire à Paolo Sousa, je dis mais c'est ça la bonne attitude, c'est ça l'attitude c'est sur le terrain qu'il faut avoir pour être dans ton groupe. Mais là il est en train de construire un groupe. Y c'est pas fácil construir un grupo. C'est pas fácil dire a un joueur que le te figure l'año dernier y que joue en selección, dire allez tu a la banque, allez tu bien. C'est pas fácil d'accepter ça. Il y a les egos, vous me comprenez, les gars? Les egos humains que de temps en temps sont plus importantes que l'équipe. Et comme je te dis, la tarea plus importante de un coach, c'est construire un grupo. Construire un groupe qui travaille ensemble et qui travaille pour la base. Je me rappelle, je reviens encore, j'ai fait les derniers 6 mois quand j'étais un étudiant avec Bielsa, quand il a travaillé en Young Old Boys. Il me dit toujours, tu dois prêter beaucoup attention et parler beaucoup avec les joueurs qui sont remplaçants. Parce que les mecs qui jouent sont contents. Et jamais, mais une équipe qui a de bons remplaçants, c'est une équipe qui peut gagner des choses. Et tu dois prêter attention, parce que c'est le difficile, c'est les mecs qui sont à côté, mais Marcelo, pas le problème, joueur qui joue. Marcelo, le problème, c'est qu'actuellement, François Camano, depuis 8 mois qu'il devait partir à Monaco, même remplaçant, il n'est pas bon. Et quand il rentre, il n'apporte rien. Je pense que c'est Camano... Je suis un peu sévère, mais... Peut-être qu'il est en train de gérer tout ça. De c'est gérer de que lui, c'est pas indispensable... Je pense que... Pour moi, il peut revenir. Pour moi, attention, pour moi, déjà, c'est un joueur pour jouer à côté. Mon idée, à côté, arrêter de jouer derrière, attaquant, ne peut pas jouer. C'est un joueur, comme je dis, tu ne peux pas chercher de jouer. C'est lui, Cafu, sont la même caractéristique. Calou, ou même... Bendraou. Je ne sais pas. Bendraou, il n'y a pas la même caractéristique de François. Mais je crois qu'à côté, François, je l'ai vu faire des matchs excellents. Et pour moi, le football, c'est comme aller en vélo, les gars. Les mecs qui connaissent comme joueurs ne s'oublient jamais. Après, il y a des périodes que malheureusement, la tête, des périodes que peut-être il s'est fait mal, peut-être pas partir, il a fait mal, il a fait un choc, il n'a pas trouvé son niveau, son vrai niveau. Mais les gars, il y a un an, vous vous rappelez de François Camano. C'est le meilleur joueur. Tu ne peux pas dire aujourd'hui c'est Dieu, demain c'est le diable. Je crois qu'il doit, on doit attendre qu'il revienne, donner la chance qu'il revienne et qu'il s'inserte au groupe. Et peut-être, c'est là une surprise. Rapidement, parce que ça fait depuis quasiment un an qu'il est au fond du sac. Oui, mais il a voulu partir à Monaco. Il a deux transferts cet été qui ont été avortés avec c'était le Torino et je crois que la Samp. Et peut-être que c'est fait mal, ça. Justement, c'est ça. Mais dans ce cas-là, à la limite, qu'il aille voir le coach, je dis coach, je suis pas bien, j'ai machin, mais parce que là. Il y a eu une discussion avec moi, le coach. Je me mets à la place du. On est en tribune. Ça le dessert complètement. Le Camano, il rentre à Bordeaux, il se fait défoncer. Il se fait siffler, il se fait insulter. C'est pas lui rendre service. Mais après, il y a ceux qui le sifflent. Je pense que c'est pas lui rendre service. Je pense que Camano, en tout cas, de ce qu'on a vu à Amiens, ça allait au-delà d'une question d'attitude. Je pense que Camano, surtout, il ne s'est pas encore adapté au dispositif Souza. Parce que quand il avait le ballon, il va falloir qu'il je sais pas si vous avez eu cette impression, mais le jeu, comment dire, Souza est là depuis le mois de mai. Hein. Ah, mais il accélère pas. Il passe un mauvais moment. Il passe un mauvais moment à niveau personnel, à niveau peut-être de psychologie, mais je le connais, Michel, je le connais. Mais je le connais comme personne, c'est un bon gars. Léal. Si je l'amène ici, c'est bien avec vous, c'est un bon gars. Je crois que le mec, il passe un mauvais moment psychologiquement, il ne peut pas retrouver son niveau. Mais c'est pas une chèvre, c'est un joueur pour moi de qualité que peut-être doit partir de Bordeaux pour réussir, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Quand il aura en tout cas digéré tout ça et qu'il se sera bien adapté au dispositif, je pense qu'il peut vraiment être intéressant. Mais c'est de la reconstruction, petit à petit. On va lui souhaiter de vite se reprendre en tout cas et puis d'être performant avec les Girondins, ça sera bien pour l'équipe, le pour comeback lui, de Camano. Pour le club, tout le monde en profitera et puis voilà, il redeviendra le François Camano qu'on a connu dans ses premières années, notamment quand il formait le trio offensif avec Malcolm et Gaëtan Laborde. On va passer à ce qui nous attend demain. Tard, t'es chaud pour demain ? Bah écoutez, moi je... Paris, 17h30. Ouais, je... C'est sur Bein. Hein ? C'est sur Bein. Ah, c'est aussi. Pas sur Canal. Les deux. Il y a les deux, Canal et Bein. Canal et Bein. Si vous avez pas l'un, vous avez l'autre. Ah bah ça va, moi j'ai Bein, alors ça va. Bon, ouais, qu'est-ce que t'attends de ce match demain ? Après, je vais vous donner les groupes. Il y a des petites nouveautés côté Paris Saint-Germain. Je vais le faire de suite. Tiens, regarde, comme ça, tu pourras nous donner rapidement. Bon, alors rapidement, hein, le groupe bordelais, il n'y a pas de surprise. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Nicolas Depréville est de retour dans le groupe. Fini les trois gardiens. Il a pris que deux gardiens cette fois-ci. Paolo Souza, c'est Costi, les Gaëtan Poussin. Koscielny, Pablo, Mexer, Kouateng, Jovanovic et le retour de Benito pour les défenseurs. Enfin, le retour, non, Benito était déjà là à Amiens. Otavio, Tchouaméni, Adli, Benraou et Aïd Benacer pour les milieux de terrain. Briand, Majak, Wang, Kalou, Camano et donc le retour de Nicolas Depréville pour les attaquants. Ça, c'est côté bordelais. Côté parisien, il y a des retours. Puisqu'après la défaite contre Reims mercredi, il avait fait beaucoup tourner Thomas Tourelle. Neymar, Kylian Mbappé est de retour, ainsi que Mauro Icardi seront présents. Choupo-Moting et Cavani sont toujours forfaits. Retour de Thiago Silva, ce qui nous donne un groupe avec trois gardiens, Navas, Bulka, Rico. La défense parisienne, Bernat, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos et Thomas Meunier et Thiago Silva. Aouchiche, Herrera, Gueye, Paredes et Sarabia pour les milieux de terrain. Et l'attaque parisienne sera composée de Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar et Kalimuendo. Voilà, je me suis pas loupé sur celui-là que je ne connais absolument pas. Qu'est-ce qu'on en attend, messieurs, de ce match face au PSG ? On se fait plaisir et on essaye de ne pas être ridicule. Ou on y va crânement. Tourelle dit Bordeaux a raison de croire qu'ils peuvent nous battre. Pour moi, l'objectif, clairement, c'est de jouer notre jeu et d'y aller à fond. Qu'on en prenne 4 ou qu'on gagne, faut jouer notre jeu et ne pas renier nos valeurs. Il faut y aller et jouer Paris comme on jouait les autres matchs. Comme on a joué Lyon. Voilà, exactement Lyon, pareil. On doit accepter, les gars, qu'individuellement, Paris peut être. C'est trop fort. Hein? Individuellement, peut-être c'est mieux que nous. On doit accepter ça, on doit dire la vérité. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Collectivement, Bordeaux, il est en progression. Collectivement, Bordeaux peut faire de mal. Et la motivation, déjà, contre Paris, c'est toujours al top. Al 100%. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je préfère gagner ou perdre, mais jouer au match à mon façon de jouer à 100%, la même façon que. C'est comme ça qu'on construit un groupe. Justement. Exactement. La dernière victoire face à Paris, Thomas ? C'était en 2015. Bien. Bordeaux peut faire mal. Attention. Je te dis, Bordeaux peut faire très mal à Paris. Je te le dis aujourd'hui. Très mal. Et surtout si tu titilles un peu les gros joueurs, là, ils n'aiment pas trop se faire bouger. Si tu les bouges un peu, ça peut changer. Mais il faut faire attention aussi parce que quand tu regardes, l'année dernière, quand on joue Paris, c'est la période où on est premier du classement avec Paris. Enfin, on les a joués un peu avant. Non, c'était il y a c'était deux ans. Ah ouais, c'était à deux tout ans. Le monde, depuis que je parle de Paris, que je parle avec les gens, tout ça, tout le monde pense à cette saison. Ouais. Et ça nous avait tué. Tu vas là-bas, t'en prends 6 et derrière, plouf. Mais après, là, c'est différent. On jouait pas. Enfin, on jouait pas au même jeu, etc. Là, faut vraiment qu'on, comme dit Cyril, faut qu'on garde nos valeurs parce que c'est comme ça qu'on va apprendre aussi à jouer comme ça. Thomas, oui. C'est comme ça qu'on va faire revenir les gens au stade, c'est en étant offensif et en jouant au football et en jouant vraiment le football. Moi, j'ai envie de dire un truc. Paris, ils ont fait deux défaites, contre Rennes et contre Reims. Les deux équipes jouent dans un schéma à peu près similaire à Bordeaux, 5-3-2. Est-ce que Paris a du mal contre ce genre d'équipe qui joue avec 5 défenseurs, qui défendent assez, qui sont assez rapides devant? Est-ce que ça peut être un point clé? Ces deux matchs-là, ils ont aussi un autre point commun, c'est le manque total d'implication côté parisien. Complètement. Après, ça dépend de l'envie. Ça dépendra de l'envie de Paris. Il fallait être là. Voilà, bon, il trottinait un peu. Ça dépendra de l'envie de Paris après. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Paris, c'est très personnel, que dépend beaucoup de l'individualité de Neymar ou de Di Maria. Peut-être que c'est un bon moment, mais collectivement, je vois qu'il y a une équipe qui, sincèrement, aujourd'hui, je ne vois pas une équipe de football. Je vois des individualités. Que dépend de l'individualité, s'ils sont bons, ils ne sont pas bons. J'espère que ça va revenir, non? Bien sûr, parce que les matchs qu'ils ont fait contre Real Madrid, c'était extraordinaire. Si tu vois les matchs qu'ils ont fait contre Real Madrid, sincèrement, si je suis coach, je le dis à les petits avant de partir, regardez, parce que c'est le poème du football. C'est qu'ils ont fait contre Madrid, c'est le poème du football pour moi. Un touche, deux touches, tout le monde participe, tout le monde a devant le ballon, tout le monde. Ah, c'est sûr, après, c'est deux images différentes totalement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a passé, mais. Est-ce que justement, alors après, je ne sais pas, vous avez plus d'expérience que nous, est-ce que justement, on entend beaucoup les médias, les analystes des médias qui disent oui, les grandes équipes, ils se mettent des fois au niveau. Par exemple, là, Paris contre le Real, ils ont fait un match énorme, mais parce qu'en face. Il y avait une grande équipe aussi, même s'ils n'ont pas été extraordinaires, le Real, mais c'est quand même le Real Madrid. Est-ce que face à Reims, bah, du fait que ce soit Reims, ou Bordeaux, ou Rennes, ou Angers, ou Amiens, bah... peut-être c'est l'inverse. Peut-être c'est Bordeaux, Rennes qui se motive. D'où le sport jouer contre Paris. C'est, la différence, c'est ça, peut-être. C'est pas Paris, c'est les mecs qui sont à côté. Peut-être Rennes va le week-end prochain et va perdre contre Amiens. Peut-être. Ils sont défendus les mecs comme des chiens hier. Ils ont été parfaits défensivement. Ils ont été parfaits. Organisation, ça a été parfait. Et Paris, il a fait des mal. Je crois que quand il y a un bloc qui est trop bas et qui sort vite vers l'avant, à Paris, on peut faire mal. Tard, juste pour toi, demain, la clé du match, c'est quoi? C'est le milieu de terrain? C'est la capacité à savoir tenir Neymar, Mbappé et sûrement Icardi? Moi, j'ai toujours joué comme ça, à mon niveau. J'harcèle quelle que soit l'équipe. Faut que les Bordelais leur montent dessus. De la même façon qu'a fait Reims. Reims, ils ont pas refusé le jeu au parc. Ils les ont pris à la gorge. Et pour mettre deux buts au PSG, ils ont pas lâché, je veux dire. Ils ont bien défendu et chaque fois en contre. Et ça, Bordeaux sait bien le faire. Mais par contre, les pièces maîtresses, c'est-à-dire les Mbappé, Neymar, il y a Gueye qui revient aussi. Hein. Il y a Idrissa oui, qui sera là. Oui, il est là, Gueye. Hein. Donc, tous ceux qui organisent, Di Maria, bien entendu, il faut que dès qu'ils ont la possession de balle, il faut qu'un Bordelais, au minimum, aille dessus, l'harceler. Pour ne pas leur laisser le temps de s'organiser. Et je rejoins M. Vadin, c'est que la défense, c'est pas la sécurité sociale en ce moment à Paris. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faudra jouer dessus, sur la défense parisienne. Après, il y a Thiago Silva qui revient, il y aura sûrement il y aura Marquinhos. Bon, après, c'est vrai qu'après Kimpembe... Quand tu vois qui revient, tu fais... Oui. Voilà, c'est vrai qu'après Kimpembe, bon, c'est pas... Voilà, non, mais Kimpembe, je vais te dire un truc. C'est pas la sécu. Il a de la chance d'être à Paris, hein, parce que moi, je... Enfin, voilà. Mais nous, on ne va pas s'occuper de Paris, il faut s'occuper de Bordeaux. Je pense qu'on doit les harceler, on ne doit pas les laisser faire les sénateurs ou organiser leur jeu, parce qu'on est mort. Hein. Il y a Paulo Souza qui a assez bien résumé ce qu'a dit Marcelo et ce qu'a dit Cyril tout à l'heure en conférence de presse. Paulo Sousa dit comme j'ai dit, Paris n'est pas imbattable, alors ça doit nous donner du courage. J'en ai parlé dès mon arrivée, je veux voir dans chaque match, à domicile ou à l'extérieur, un jeu courageux où on essaye d'arriver le plus possible dans les zones de création, de finition, blablabla. Mais surtout, la petite phrase qui dit je veux voir plus de courage que de peur. Ouais. C'est exactement ce que, enfin, moi personnellement, c'est exactement ce que j'attends de voir demain. Comme disait Cyril, peut-être qu'on prendra une tannée. Bah, ouais, peut-être. Mais si au moins on se renie pas, on fait ce qu'on sait à peu près bien faire depuis le début de saison sans être extraordinaire. Eh ben écoute, après s'ils sont plus forts comme disait Marcelo, de toute façon individuellement à tous les postes ils sont supérieurs, quasiment, à part peut-être au poste de gardien et encore. Mais sinon, Navas. Si on considère que Koscielny c'est, il y a match avec Thiago Silva, mais c'est le seul poste, c'est ouais. Tout. Après ouais, gars, supérieur partout. Eh ben écoute, tu fais ce que hein. Ouais, mais Kouateng comparé à Meunier. Bon. Désolé, mais Kouateng en ce moment est meilleur que Meunier. Non, déconnez pas. Meunier ne joue bon quasiment pas, moment. Il est vraiment pas bon et il s'attaque pas et s'il te plaît, moi tu me mets. Oui. Oui. Écoute bien ce que dit Tuchel. C'est exigeant de jouer à Bordeaux avec deux jours entre les deux matchs. C'est-à-dire que le mec, avec l'artillerie qu'il a, il est inquiet de venir à Bordeaux. Parce qu'il a des blessés aussi, quand même. Il a je pense qu'il est inquiet de l'état d'esprit de son équipe. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Sans blessés, on n'a que dalle, alors. Non, nous, ça va, on n'est pas trop mal. Non, comparons ce qui est comparable. Di Maria, c'est le budget de Bordeaux avec le personnel. Oui, Di Maria, oui. Faut arrêter. Non, ce que je veux dire par là, faut arrêter. Là, moi, à mon avis, je crois que... J'espère me tromper. On les prend au mauvais moment. Oui, j'aurais aimé qu'ils gagnent plutôt contre Reims que... Parce qu'ils ont mal vu qu'ils gagnent contre Reims. Je vais te dire, c'est un bon moment de les prendre avant la Ligue des Champions. Oui, mais ils gagnent à Reims et tu les prends avant la Ligue des Champions. Ouais, Marcelo disait tout à l'heure, s'ils ont décidé demain de s'énerver, ils vont s'énerver. Et tant pis, ça tombera sur nous. Mais t'as gagné 7 points sur 9. Tu peux te permettre... C'est-à-dire que là... Le contexte actuellement à Bordeaux pour recevoir Paris est extrêmement favorable. Ah ouais, nous t'es on est bien, 15e, on a perdu une fois en 7 points matchs, pris sur cette t'es journée, sur 6 matchs sans défaite, t'es bien. Je crois, on commence le match 11, en seconde points, période. Je crois au classement général, va bien, tu peux te permettre de jouer relâché contre le Paris Saint-Germain. La différence, elle est que si t'as les mêmes trous d'air que face à Metz et face à Brest, là c'est pas 2-1 qui est à la mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Si non, t'as non, les mêmes trous d'air que face à Metz et Brest... C'est ça qui me fait peur, c'est est-ce qu'on va rester en place... Tu vas te faire fesser cul rouge. C'est est-ce qu'on va réussir à rester en place sur nos phases défensives comme on a réussi le faire contre Dijon, contre Lyon, etc. Je pense que si Bordeaux fait un bon résultat en trouvant comment dire ce bon engrenage, cette bonne mécanique qui fait que tu es bien en place défensivement, que tu joues parfaitement tes coups offensivement, même si tu gagnes pas au final, ça peut être le vrai match référence de la saison des Girondins de Bordeaux. Oui, Marcelo. Non. Même si c'est Paris ou c'est autre équipe, aujourd'hui c'est que je pense, je m'occupe de Bordeaux. Je pense qu'on se doit occuper de Bordeaux, d'arriver à être top en tous les parties du terrain. Et après, les résultats, c'est Paris ou si c'est autre équipe. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est Bordeaux. Trouver le niveau pour Bordeaux. Ne m'inquiète pas Paris, je ne pense pas en Paris, je ne pense pas en Marseille, Je pense que Bordeaux il est en train de monter petit à petit. Et j'espère qu'il va finir entre les premières 5 équipes pour jouer la Europa. Non, avant de terminer l'émission, on va passer au petit pronostic, comme à chaque fin de débrief. Petite jingle et on revient. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors, tard, demain, un petit prono rapide. Ben écoutez, moi je. Je dirais que si on est sérieux, un partout. Ah ouais, Cyril. Si on se lâche, 3 de Bordeaux. 3 de Bordeaux, tu vois, c'est Enzo. 2-2 avec un but d'Adli qui revanchard. Lucas. 2-1 Bordeaux. Marcelo. 1-0 Bordeaux. Le côté supplémentaire. Côté supporter, dirait 2-2 pour Bordeaux, mais bon, je pense que Paris va gagner. Mais je pense qu'on en prend 6. Non, mais ça, mais. Non, c'est la fatigue. 2-2 et on prend 3 points, moi je suis. Nickel. C'est la fatigue, donc 2-2, mais bon, bon, je pense quand même que Paris va être supérieur et on va gagner. Paris va gagner. Moi, j'ai carrément le scénario. Alors, c'est-à-dire vas-y. Qu'on met alors, un but, le premier but, noté. Attends, les parieurs, noté. Alors, vas-y. Premier but de Bordeaux à la 6e. Derrière, on se prend deux buts. Bon, jusqu'à là. À la 67e, il y a un joueur de Paris qui prend un rouge. Ouais. Et à la 90e, Koscielny marque son premier but avec Bordeaux sur corner. T'as pas un jingle comme ça. Attends, donc là on est à 2-2. Tu t'arrêtes à 2-2 toi. Oui, je m'arrête à 2-2. T'aurais pu aller plus loin à la 95e. Mais... Adli enroule un coup franc. C'est tout ça. Je te jure, je t'amène avec le vol d'escalade. Je te jure, que si franchement, Adrien, si t'as un peu, je t'amène à l'Argentine à deviner. Si t'as un peu de pognon à faire, tu vas sur Winamax, tu fais un cumulé, tu cumules toutes les cotes là. Tu dois avoir une cote à 850 à peu près. Tu mets 10 balles, tu prends 8500. On fait ah oui, non, mais je rachète. Et tu peux aller tranquille en Argentine. J'aimerais que c'est Bordeaux qui gagne. Ça, c'est un sentiment que je veux que gagne Bordeaux. Bah, après, je sais pas si... Surtout qu'on est 5e à 12 points. Les enfants, si par miracle on arrive à battre le Paris Saint-Germain, nous serons leaders du championnat de France. Et ça, enfin, à moins que Angers gagne. Je sais pas contre qui. À moins que les équipes devant nous gagnent. Je sais pas contre qui Angers gagne, mais. Contre qui joue, pardon. Il y a Nantes aussi qu'il faut pas qu'il gagne. Enfin, bah, c'est vrai que les 5 premiers. Mais Nantes, ils jouent contre Lyon. Angers, attends, Angers reçoit Amiens, Nantes, ils vont à Lyon. À 13h30. Et Marseille reçoit Rennes. Et Lille va à. Nice. Bien. Ouais, 0-0, dégueulasse. Oui, là, c'est pas fini. Il y a une chose aussi du côté du Paris Saint-Germain qui, moi, me laisse perplexe. Oui, mais non, parce qu'en fait, c'est les pronos et que. Vas-y, laisse-le terminer. Non, mais ça, c'est. Perplexe depuis le début de ce championnat, c'est que j'ai l'impression qu'en Ligue 1, Paris a extrêmement du mal à être créatif offensivement. Ça aussi, ça oui. J'ai du mal à comprendre au vu du talent offensif qu'ils ont. T'inquiète pas, tu vas peut-être comprendre demain. Tu vas peut-être comprendre demain rapidement. Deux choses avant de terminer. Il y aura un deuxième PSG Bordeaux. Oui, demain c'est double dose de PSG. Non, c'est pas demain, c'est dimanche. Dimanche à 15h. Puisque les lui, filles, il est vraiment important. La semaine dernière, il n'y avait pas de match. Pour les filles, puisque c'était le trophée des championnes, c'est l'Olympique Lyonnais qui l'a remporté au tir au but face au Paris Saint-Germain. Nos Girondines qui, après leur belle première ex aequo après leur belle victoire face à Montpellier il y a 15 jours, donc vont se déplacer sur la pelouse du Parc face à, équipe qui sera dans les deux premières, qui sera soit championne, soit deuxième. On va pas se mentir, hein, le PSG, il joue le titre avec Lyon. C'est dimanche, j'arrive pas à trouver l'horaire, mais ça va sûrement être diffusé. 15h sur Canal Plus Sport, voilà. Je pense. Bah oui, je pense que PSG Bordeaux. Alors, et à 12h30, il y a l'UVB. Ouais, t'as. Oui, les filles, elles gagnent à Paris. Allez. Si elles gagnent Paris, par contre, ça, c'est un gros coup et c'est très important pour la saison. Les filles, elles vont gagner à Paris. Si elles gagnent à Paris, c'est un coup énorme. Si les hommes gagnent contre Paris et que les filles gagnent contre Paris. Si les filles gagnent à Paris, Lyon est champion. Déjà, le titre, il est joué au bout de 5 journées. Non, je te dis, les filles, elles gagnent à Paris. Tard, on espère en tout cas que Bordeaux demain s'en sortira pas trop mal. Et que les filles dimanche. Les garçons, je vous ai dit, les garçons, ils font match nul. Et les filles, elles vont gagner à Paris, quoi. Mais écoute, je pense qu'on est tous d'accord pour autour de la table pour dire que si ça se passe comme ça, on signe et on sera bien contents. Tout de suite pour le match nul des garçons. Ouais. Ça, c'est le premier point. Les filles, je suis persuadé qu'elles vont aller battre les Parisiennes. Mais pour les garçons, je me contenterai du match nul. Eh ben écoute, on prend. Merci Tar, je suis désolé, on a un petit peu dépassé. Merci à toi, comme d'hab. Alors, attends, merci, monsieur. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous. Je remercie le père Valentin, mais ça c'est à titre personnel. Il s'est très très bien comporté avec les Girondins de Bordeaux quand son fils devait signer à Bordeaux, et ça me touche beaucoup. Voilà, je voulais lui rendre hommage. Merci et je vous embrasse tous. Merci Tar, c'est sympa, merci beaucoup. Pas de quoi. Hein. Bonne soirée, bon week-end, bon match demain. Ouais, vous tous, hein. Salut les gars. Salut, ciao. Ciao. Hop là. Messieurs, donc, dernière chose, la Ligue a annoncé cet après-midi qu'il y aura une minute de silence, évidemment, en l'honneur de l'ancien président Chirac décédé hier. Ça sera sur tous les terrains, puisque Girondin analyse l'émission qui a vu défiler trois présidents, mine de rien, commencer sous Sarko. Et surtout, moi, on a traversé le quinquennat François Hollande, et là, on va traverser le quinquennat Macron. On n'a pas connu Chirac. Que ce soit Adrien ou même toi, je pensais pareil, hein. C'est notre premier président aussi. C'est chichi, quoi. Ouais, c'est notre premier président. Non, mais d'ailleurs... il est né, il a été élu le. Mais alors, tiens, alors juste deux secondes. J'ai jamais connu Mitterrand, vous. Ah oui, là, non. Et juste, il a duré un an. Je me suis fait la réflexion rapidement, et après, on finit. Mais je me suis fait la réflexion, il y a un truc de ouf quand même. Parmi les quatre, bon, Mitterrand est mort, il y a Giscard, mon gars. Sog, là, il flotte, il a 88 ans, il est toujours là. Parmi les quatre derniers présidents, on peut pas dire, on peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit un inculte total. Non. Je parle de sport. De sport et de football. Il s'y connaît, il va voir les matchs, machin, il n'y a pas de souci. Mais il adore le foot. François Hollande était aussi passionné de football, il connaît. Je sais qu'il aimait pas le foot. Nicolas Sarkozy, ça fait 30 ans, 40 ans. C'est Chirac qui aimait pas le foot. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'il va au parc, supporter du PSG, il connaît tout, machin, pas de souci. Chirac, il connaissait sûrement très bien les sumo et tout ce qui était au Japon, machin, tout ça, mais on va pas se mentir. Tout ce qui était foot, basket, handball, Richardson, il croyait Do you speak French? Je croyais que c'était un américain, Richardson, s'il te plaît. Et ben malgré ça, justement, mais c'est quand même ce qu'ils avaient, hein, des quatre derniers qu'on a eu, c'est celui qui n'y connaissait le plus rien en sport, en foot, et pourtant c'est le mec qui jouissait d'une popularité, la finale de Coupe du Monde. Bah, ça, c'est un truc. Maintenant, déjà, le sport, ça rentre dans la politique, donc dès que t'es président, t'es obligé de suivre le sport. Maintenant, c'était obligé. Vous êtes trop jeune pour vous en rappeler, vous étiez peut-être même pas né, mais quand on gagne la Coupe du Monde, mais derrière, t'as deux mois de croissance économique. De ouf, parce que c'était la première fois. Ah non, fini, terminé. C'était la première fois, et puis c'était la fin. Et Chirac a bénéficié de ce truc. C'est le président le plus titré. Champion d'Europe et champion du monde. Donc on a fait la fédération aussi. Donc demain, minute de silence. Il y a petit Manu petit Thomas. Et après, il fallait s'y attendre. Parce que Aaron Ramsey avait marqué ce week-end. Sérieux? Et la malédiction Ramsey. Oh, la malédiction, elle encore frappée. Il y a un gars qui avait commenté ça en disant cote de la mort de Chirac à 3. Oh là là, c'est génial. Enfin, c'est génial. Non, c'est génial. C'est pas génial, mais. Oh ouais. Oh oui. Oh ça, je regarde pas. Quand il y a des mecs qui. Johnny, il faudra regarder sur Johnny. C'est non, Johnny, hein, il a pas marqué Ramsey le week-end d'avant. Ramsey, la malédiction continue. Oh putain, faut que je. Allez, lui, il a une liste de. Lui, c'est un tueur à gages, il en a 12 ou 15. Bref. Mais tu me diras, si, je pense que si on regarde pour Messi, ça doit être pareil, hein, ou Ronaldo. Ouais, mais Messi, il marque tout le temps. Allez, messieurs, merci beaucoup. On va remercier encore une fois notre invité de ce soir, Marcelo Vada. Merci vraiment. Non, infiniment. Je vous remercie, Léa. Je profite pour dire au revoir à tous les supports et à tous les clubs. Et remercie pour tout ce qu'il a fait pour mon fils, pour ma famille, pour moi-même. Et ok, j'espère le mieux pour le club, le mieux. Et le mieux pour vous aussi, les gars. J'espère surtout qu'on peut gagner demain. Bonne nuit, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcelo, vraiment. Et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite, le meilleur à Valentin. Et puis, allez savoir qui c'est. On sait jamais ce que la. Les deux, ça se trouve un jour d'émission. On ce sait que, pas. Ce que la vie nous. Ce que la vie peut réserver des fois. Allez savoir. Peut-être qu'on se recroisera. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes venu plusieurs fois dans cette émission. Vous avez toujours été. Hyper carré, hyper sympa avec nous. Donc vraiment merci Cyril. Et juste soutenir Valentin qui dimanche jouera donc contre Cadiz à 16h. Ouais. Donc n'hésitez pas. Alors je pense pas que ça sera à la télé, mais regardez peut-être un streaming. Sur la télé espagnole, tout à fait légal. Sur une télé espagnole, donc, sur voilà. Donc et puis quand tu as Valentin, tu leur transmets. Oh, oui. Évidemment. Nous, notre amitié, notre bien bon sûr. Souvenir, et tu lui dis bien qu'on l'aime. Bien sûr. Merci beaucoup. Hein. Merci Marcelo. Merci. Malheureusement que vous ne savez pas les coachs. Dommage. On aimerait des fois. Mais bon. Merci Adrien, merci Thomas, merci. Et merci Thomas aussi pour Marcelo. Et merci Pierre également. Merci Lucas, merci Enzo, merci Cyril. On se retrouve nous donc. Vendredi prochain, 20h30, 22h, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On aura un autre invité, alors pas en studio cette fois-ci, normalement, à Calais dans la semaine. On aura un autre invité de marque. Demain, 17h30, PSG Bordeaux. Dimanche, les filles, l'UBB. Le volet, c'en est où? Un 7 partout. Oh, c'est serré. Allez, on vous souhaite donc une bonne semaine, une bonne soirée déjà ce soir, un bon match demain, kiffez, profitez, amusez-vous, voilà, peut-être si on prend une tannée, c'est pas grave. Une bonne soirée, une bonne semaine, et allez Bordeaux.